US. Les 10 cartons rap et R&B aux States, numéro 2. Numéro 2. I come alive in the fall time. if I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Let a nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean it with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my car if I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Le 8US comme tous les dimanches soirs à partir de 20h, 21h, le 8US, le son qui cartonne aux États-Unis, le son qui était classé numéro 2 la semaine dernière après avoir été classé numéro 1 il y a deux semaines, The Weeknd avec les Daft Punk qui retrouvent la première place du 8US avec Starboy sur Skyrock, c'est au détriment de Bruno Mars d'ailleurs qui perd une place. Donc Bruno Mars peut-être encore numéro 1, ça se tape, ça se bagarre, ça se bouscule, ça se chahute pour la première place du 8US. Toi Steph, on te retrouvera donc dimanche prochain, ouais, à partir de 20h pour savoir comme tous les dimanches soirs tout ce qui se passe aux États-Unis. Mais ouais, comme tous les dimanches. Là c'est parti pour la spéciale de la radio libre de Difool. Tiens regarde, c'est parti pour le match de foot aussi, ouais. Entre les Marseillais et les Messins. C'est le 2369e match en Ligue 1 pour les Marseillais, ce qui fait le record en fait voilà, dans l'élite. D'accord. Bah merci pour cette statistique. Eh ouais, je le dis. Ok, merci. Steph, premier sur le foot, 0-0 pour l'instant. Promis. Et on suivra ça en direct bien évidemment. A plus Steph. Allez, c'est parti, ciao tout le monde. La spéciale de Difool, 21h minuit sur Skyrock. Il y aura un autre Marseillais à retrouver ce soir dans l'émission, hein. C'est Sopra, on reviendra sur sa semaine de dingue à Skyrock, notamment le gros Planète Rap. C'était vendredi soir en direct du Stade Vélodrome de Marseille. Sopra que vous allez retrouver dans le cours de la soirée avec Difool et toute l'équipe. En attendant, j'espère que vous avez bien profité du week-end. En plus, il y a les vacances qui approchent dans 2-3 jours. Ça y est, vous serez enfin libérés. La plupart d'entre vous, on va passer une grosse soirée ensemble. La spéciale, il y a Difool, il y a Romano, il y a Lamari, il y a Samy, il y a Cédric le Belge, il y a Nathan. Lui, il a réussi à se faire virer du bahut en moins d'un mois. Il a pas attendu les vacances. Nathan, que vous allez retrouver dans quelques minutes. Il y aura Michael du 91 qui a un fantasme très particulier sur la Marie, ou encore Naru, l'autostoppeuse. On ira au camping naturiste avec Panda, une auditrice de Skyrock, et sur le répondeur de Pamela avec Jackie de Montigny le Bretonneux. Un nouveau pervers à découvrir. Pour les cadeaux, le jeu des 1500 €. On prendra vos inscriptions dans le cours de la soirée. On aura également des invités à vous offrir pour la pièce. C'est le film Skyrock du Watibé. La spéciale, on l'attaque direct. On y va tout de suite. Tiens, but pour Marseille, voilà, c'est fait en direct. But de Gomis, 1-0 pour Marseille contre Metz. Et le double appel, c'est maintenant. Allô. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ah bah, c'est vous qui avez appelé. Le double appel de Difool sur Skyrock. Hein? Allez, c'est bon, parti. Allez, Kiki. C'est parti, mon Kiki. Ici Pierre, vous pouvez aider. Ah, pas, répondeur, rappelle-toi. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Allô. Oui. Allô. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Allô. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Vous êtes qui? Ah ben je sais pas, c'est vous qui m'appelez. Alors vous devez savoir. Ah non, non, non, non, non, ça vient de sonner, j'ai décroché, je suis désolée. Ah ben c'est pour moi, je vous ai pas appelé, hein. Ça c'est sûr et certain. Bon ben écoutez, moi ça vient de sonner, j'ai répondu, je suis désolée. Mais non, mais j'ai des emmerdes de téléphone depuis ce matin, alors. Ah ben non, faut, écoute, ça vient de sonner, moi j'ai répondu, c'est Michel. Oui. Ah oui, c'est Evelyne. Ah ben Evelyne. Ah ben il y a des gros problèmes, hein. Un problème. Ben non, ça vient de sonner, j'ai décroché, j'ai dit allô. Ouais. Ah ben non, non, non, parce que je viens d'avoir un coup de fil, quelqu'un qui s'appelait Jean-Louis, c'est ton voisin.

Ah, il était bon celui d'avant. Il était pas mal. Oui. Ah. Allô. Oui. Allô. Oui. Ah bah, y en a. Oui, bon. Allô. Allô. Oui. Oui. Mais je vous écoute. Ben non, c'est moi qui vous écoute. Je crois que le téléphone est devenu fou. Ah oui, oui, oui, c'est un caca. Hein. Oh. Parce que ça fait 3 fois que ça sonne chez moi et. Et le caca, c'est bon. Bizarre. Eh ben là, c'est vous. Ça sonne chez moi aussi. Et j'ai. Oui. C'est pas moi qui appelle. Hein. Ben moi non plus. Et je vois qu'il y a une troisième personne sur la ligne. Oui. Et vous, on vous appelle ou c'est vous qui appelez? Ah non, on m'appelle. On non, m'appelle. Non, je parle de l'autre. Absolument, oui. C'est-à-dire, absolument quoi? Vous êtes trompé un numéro, je crois. Hein. Ah d'accord. Je vois, oui. Écoutez, moi je raccroche parce que j'y comprends rien. Ah, oui. Oui. Allô. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Moi, je suis décaloté complètement. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais, c'est décaloté, ouais, ouais. C'est bien. On va s'occuper de ça. Nous avons les outils. Au revoir, monsieur. Là, j'ai eu ma copine qui m'a fait une bonne petite pipe dans la voiture, là. Ben oui, ben moi, elle est en train de m'en faire une. Voilà. Absolument, oui. Allez, dégage. Il va pas éjaculer tout de suite. T'as les couilles au cul pour venir me voir? J'ai un petit sec de 21 cm. Oui. T'as pas de couilles au cul. T'as pas de couilles au cul, et en dessous. Hein. T'as mis un petit peu de doigt dans la chatte, là. Hein. T'es juste capable de quoi, de téléphoner comme ça, anonyme, hein. Mais viens me voir. Viens me voir, tu vas voir un peu. Et je peux te dire que je vais te baiser. Eh, vas-y, baise-moi. Ouais. Tu feras une pipe au champagne. Allez, va, tu racontes n'importe quoi. Tu veux te faire sodomiser, là? T'es même pas un soldat, t'es rien du tout. T'as rien entre les pattes. T'as rien entre les pattes. Et t'as rien. C'est Rambo, le mec. T'as rien entre les... rien entre les... Adrienne. T'es pas un vrai soldat. T'es pas un soldat. Non, c'est pas un soldat, non, Patrick, non. Bon, là, il y en a eu 4 hein, qui sont succédés, donc c'est un quadruple appel qu'on a fait pour terminer. Ah putain, t'as il est génial. T'es pas un soldat. C'est la spéciale du dimanche soir, avec le meilleur de Difool sur Skyrock. What the fuck? Bon, alors, Nathan, tu nous appelles ce soir. Ah, c'est toi qui as un truc à te reprocher par rapport à tes parents, c'est ça, hein? Oui. Eh oui, ça arrive des fois. Le pire truc que vous avez fait à vos parents, je vous l'ai demandé. Alors, on nous dit, moi, j'ai brûlé une partie de la maison. C'est pas vrai. Le truc le pire que vous avez fait. Ils ont pas dû apprécier. Il y a Coco, lui, c'est encore pire. Écoutez le truc. Coco, il a 15 ans. Et il nous dit, moi, j'ai fugué en laissant une lettre d'adieu sur mon lit. Et mes parents m'ont cherché dans toute la ville, alors que j'étais dans le jardin. Oh, le t'as la fugue que t'as fait, Coco. Ah, t'as le malade. Dans la cabane à outils, tu oh sais. Là, mais c'est pas con, parce que là, ils vont pas te trouver, en tout cas. Alors, Jordi, qu'est-ce qu'il a fait? Casser la télé. Moi, j'ai déjà éjaculé dans leur voiture. Bah, arrêtez de vous branler depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas de se branler. J'ai cassé les 3 iPhones. Ah ouais, des 3 iPhones qu'on t'a acheté, tu les as cassés, là. C'est le Camerounais. Salut le Camerounais. Ça casse plein de trucs, hein. Pire truc que j'ai fait. Pire truc que j'ai fait. Qu'est-ce que tu dis, Nathan? Ils se branlent quand ils entendent la voix de Marie. Vas-y, parle, Marie, vas-y, parle, parle. Non, mais pourquoi tu dis ça? Bah, pour que les auditeurs se branlent. Ah ouais, d'accord, bah super. Bah oui, vous êtes nombreux à nous envoyer, écoutez, des messages tous les soirs. Et parfois même des photos de l'effet que vous fait Marie. Vous en avez de la ouais, chance. Ah ouais, ça, super. Et Marie est ravie. Alors, les trucs que vous avez fait, tu vas nous raconter le truc que t'as fait à tes parents, toi, et qui a priori ne leur a pas fait super plaisir, notamment avec ta mère, hein, c'est ça, hein. Alors, parce qu'en fait, déjà l'année dernière, j'étais dans un centre d'apprentissage. Oui, t'apprenais quoi? Un CAP employé de restaurant, serveur. Serveur, bien. C'est bien pour rencontrer des gens, en plus, c'est un boulot sympa, serveur. Après, faut taffer, hein. Ah ouais, ouais, c'est pas le boulot le plus facile. Ah ouais, c'est clair. T'as des sacrés horaires, ouais. Ouais. Et donc, t'as fait quoi? Et en fait, déjà l'année dernière, je sortais des cours, j'écoutais rien. J'espère que tu écoutais Skyrock quand même. Bon. Oh la vanne. C'est une connerie, enfin, bon programme. Oui, et donc, ouais, tu avais des sales notes, quoi. Ouais, et ouais. J'ai été convoqué dans le bureau de la directrice et elle m'a dit on te laisse une dernière chance pour l'année prochaine. The last chance. Encore, t'as de la chance. Oui, quelque part. Et alors? Oui, et la première semaine ça a été. Ah. Et la deuxième, au ça bout de 2 jours, ça j'ai a pu insulté été. Une prof. Non. Ah non. Mais... Qu'est-ce que tu lui as dit à la prof comme insulte? Je lui ai dit, il y a la Shintok. Il y a la Shintok, c'est sympa comme tout, dis donc. Sympa comme insulte. C'est pas une insulte, des racistes en plus. Pas mal. Et donc elle l'a mal pris, j'imagine. Mais pourquoi t'as dit ça? Et ouais, bah, et il y avait le surveillant à côté. Mais t'es con aussi. Ouais, là, mais aussi, temps. Ouais, tu cherches les emmerdes quand même. Bah oui, en plus elle t'avait dit de te calmer. Et là, t'as mis Shintok. Ça se dit pas ce genre de choses. On salue nos amis chinois et asiatiques. Bonjour à vous tous. Bonjour, à deux minutes, tu me branlais. Excusez Nathan, mais je suis sûr que tu le regrettes, Nathan. Hein. Bah ouais, quand même un petit peu. Et donc ta mère, donc elle a appris. Tu t'es fait virer dans ton centre d'apprentissage? Et ouais, ils m'ont dit la directrice, elle m'a reconvoqué, elle m'a dit c'est fini. L'aventure au CFA, pour ça s'arrête là. Et là, elle a pris ton flambeau, elle a éteint le machin. Laissez entre nous décider ainsi, voilà. Votre aventure s'arrête ici. La sentence est irréversible. Irrévocable, voilà. Ah, mais je sais bien, t'aimais pas le truc que tu faisais là, ton CFA? Ah, bah il adorait ça, Marie. Bah si, mais des fois ça me saoulait quand même un petit peu. Bah oui, mais faut pas sortir des trucs comme ça. Regarde les messages sur le 41759. Bien fait pour sa gueule, elle l'avait prévenu en plus. Dark Walls, il mérite Dark Walls, 18 ans. Ouais, bon, parfois, il y a des trucs qui sortent, on le regrette après. Hein. Non, mais même sans ça, c'est que déjà, elle t'avait prévenu en fin d'année dernière en disant, voilà, en gros, au moindre écart, je te dégage. Bon, après, ton insulte n'est pas très fine. Non, ça c'est clair, on peut le dire. Mais voilà, et en plus, tu fais ça, il y a le surveillant à côté. Voilà, total. En soi, t'es débile. Bon, ça, voilà, c'est ce que t'as dit fait. Ta mère, j'imagine. Non, Romano, il t'a dit exactement ce que t'avais dit ta daronne. Ce que t'as dit, a dû te dire à peu près ta daronne, non? Ou t'es con? Ouais, bah ouais. Si tu préfères. Oui, bon, alors, que peut faire Nathan pour se faire pardonner de sa mère? Elle te fait la gueule, ta mère? Elle te parle plus? Comment ça se passe à la maison? Bah, si elle me parle, mais bon, ça monte vite. Ouais, espèce de petit con. Viens bouffer. Ouais, bah, elle t'en veut, quoi, elle normal. Mais comment ça se passe? Du coup, t'as plus de bahut, là? Bah oui. Bah oui. Bah ouais, là je suis encore à mon restaurant parce que c'est 3 semaines au restaurant et 1 semaine à l'école. Ah ouais, donc t'apprends au resto et après t'es mort. Et la semaine à l'école, par contre, tu la feras pas. Non mais du coup, le restaurant ça va s'arrêter automatiquement. Ah oui, c'est logique. Parce qu'en fait le restaurant est lié à l'école. En fait eux qui t'apprennent le métier, mais t'es apprenti chez eux. À partir du moment où tu vas plus à l'école, le truc au resto est terminé. Bon, à mon avis tu finis les 3 semaines et bye bye. On aura le témoignage de Inès, 21 ans, parisienne, dans un instant aussi. Ah bah pour les trucs faits aux parents, les trucs les pires que vous avez faits. Salut Inès. Salut. Avec une aussi belle voix, t'as fait des trucs pas bien à tes parents, toi. Bizarre. Inès. Ouais. Bon bah tu vas nous expliquer, tu bouges pas. On aura également Chat avec nous. Salut Chat. Bonjour. Toi tu as 15 ans, t'es dans le 91, comment vas-tu? Ça va et vous? Et toi aussi avec une aussi belle voix, t'as l'air si gentil. Salut Chat. T'as aussi fait des trucs à tes parents, c'est pas bien. Ouais. Et c'est toi qui nous a contacté sur Snap. C'est Skyrock FM, hein, le Snap de Sky. Ouais, c'est ça. Les autres trucs aussi, d'ailleurs. Ouais, tout Skyrock FM. Tous les réseaux, ouais. Bon, bah, on va te retrouver dans un instant. Tu bouges pas. Reste là. Chat, reste là. Inès aussi. On vous retrouve tout de suite, okay. Les filles. Brah. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Qu'est-ce que vous feriez si vous trouvez votre mec ou votre nana inscrite sur des réseaux, sur des sites et sur des applis de rencontres? Comment vous réagissez? On va parler de tout ça pour la suite de la spéciale. Le retour du poteau Nathan également, donc qui s'est fait virer du bahut en moins d'un mois. C'est juste après le son de B2O Booba qu'on écoute maintenant avec DKR dans la spéciale de Difool. Skyrock. Ils ont gagné 1 500 € dans le morning de Difool sur Skyrock. Et ils savent ce qu'ils vont en faire. Honnêtement, je viens de déménager, du coup, c'est super. Je vais faire un gros soir avec mes potes, ça va être génial. Je vais faire plaisir à mes amis. Je vais m'acheter une prod. Bah, allez dépenser. Ah, bah, moi, je garde tout pour moi. Non, mais attends, Romano, je t'ai reconnu, t'as pas gagné les 1 500 €, toi. Allez, quand Difool t'appelle et te demande quelle est ta radio préférée, réponds Skyrock. Et après, fais-toi plaisir. Le morning de Difool, 6h-9h sur Skyrock. The morning show. Tic-tac-tic, c'est l'horloge biologique qui s'emballe. Parents, au 71777. Quand aurez-vous un bébé? Très bientôt? Pas tout de suite? Parents, P-A-R-E-N-T, au 71777. Nos experts vous diront quand, vous diront combien. Un bébé? Votre enfant? Parents, au 71777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Pour augmenter tes chances de gagner 1 500 €. Oh, putain, c'est trop bon. On voit maintenant 1 500 au 720. 65 centimes plus coût SMS. Entretenir un violon, ça se fait chez un luthier. Entretenir une montre, ça se fait chez un horloger. Entretenir une BMW, ça se fait chez BMW. Jusqu'au 25 novembre, profitez de l'expertise du réseau après-vente BMW à prix préférentiel sur les pièces de freinage, la vidange et les balais d'essuie-glace. L'entretien de votre BMW mérite un expert BMW. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 25 novembre sur une sélection de modèles chez les réparateurs agréés BMW ou sur BMW.fr. Concert. Écoute, hoche la tête. si t'accroches pour nos familles et nos proches. Sortir de nulle part. Sniper revient sur scène. Sur scène, ils ont choisi Skyrock. Le 22 novembre, viens retrouver Sniper pour un concert unique. Sniper en concert avec Skyrock, 22 novembre, Zénith de Paris. Toutes les infos sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. La spéciale de Difool, 21h minuit sur Skyrock. Quitte. C'est moi, je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai pas baillé, fait des dégâts. Tyson, tribord de bombardier. Je vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens pas la main, ça va parler. J'ai déjà pas mon baissé sur le palier. Comme autre chemin, oh, je suis médaillé. Bah, mon os négro, allez, dalle. La cuenta fut très très sale. Ta ala, je vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler. Ma famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Oh maïe. Madame la juge est lente de rage. J'ai mis trahi comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi, je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai bataillé, fait des dégâts. Je n'entends pas toutes ces hyènes. J'suis pas en plein de thieboudienne. Même moi, j'pourrais rougir de haine. L'esclave n'a pas de remise de peine. Ceux qui ne veulent pas faire de business, je vous en prie, descendez là. Le cours de tâche n'est qu'est en baisse. Serre-moi un shot de Mandela. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler. Ton famille sera prise d'otage. À quoi sert de clients en cage? Envoie le H, les millions cash. Pour mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mis trahi comme un sauvage. Lion de la terre en Gaïa R, j'ai fait ce qu'il fallait. Sénégal, DKR, génération boule, fallait. Il aimait l'Afrique, mais la moulin l'a poussé à tailler. Passe-moi les masses à Mamakosa, FLO, Mara, Salvatrocha. Oh, négro n'a pas vraiment de chat. Le boule est plat, tu ne fais pas vraiment de squat. Pour toi, j'ai formule adéquate. Tu perds que de gauche et de droite. Tyson, Gribor de bombarder, je vais te casser le dos. Et la branche a trop accéléré. Elle a gâté le roi. Première roue arrière et des mers. J'ai changé le port. Je suis pirate donc loup de mer. Je peux te montrer les crocs. C'est la spéciale du dimanche soir. Avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Il y a des solutions qui arrivent d'ici quelques instants pour que faire par rapport à Nathan. Ah oui, Nathan qui s'est fait foutre dehors de son bahut. Alors t'avais été prévenu Nathan hein. Il avait reçu déjà des menaces d'exclusion en fin d'année dernière. On lui avait dit tiens-toi tranquille. T'as mal parlé à ta mère. Première semaine, ça va. Deuxième semaine, une prof, tu l'as traité de Shintok. Bravo. Avec un surveillant à côté. Et alors ça, vraiment très intelligent. Ouais, c'est comme si moi, Romano, je te traitais de bourguignon. Tiens, voilà, ouais. T'es un bourguignon, Romano. Bah, c'est vrai, je suis bourguignon. Des bourguignons. Oh, mon Dieu, j'ai de la beurre. Bon, alors, que faire pour se faire pardonner par rapport à ta daronne, Nathan? On va voir ça dans un instant, mais on vous a demandé aussi les conneries que vous avez fait avec vos parents. Alors, Inès et Chat, bah, à vous l'honneur. On aura Tom aussi de Nice qui est avec nous en direct. Bonjour, Tom. Salut la famille, ça va? Ça va bien, et toi, Tom? Ouais, Tom. Ça va très bien. Très bien. T'es à Nice, et ouais, t'as 18 ans, toi. Alors, ouais. Un petit tour des conneries que vous avez fait à, que vous avez fait à vos parents. Alors, toi, Samy, tu nous avais raconté les problèmes avec ta sœur. Ouais, bon, moi, ça faisait péter un plomb à mes parents, mais sinon, personnellement, moi, j'ai déjà fait des trucs horribles. Hein. Qu'est-ce que t'as fait d'horrible? En fait, quand j'étais petit, j'avais un délire. Comme ça, après, vous pourrez vous lâcher, vous tous et vous toutes qui êtes en ligne avec nous. J'ai Chat, déjà des trucs Inès, qui volent, tu vois. C'est-à-dire. Bah, en fait, je prenais mes jouets. Oh, le chien! Je le faisais voler, je le jetais du quatrième étage. En fait, ouais, voilà, je prenais mes jouets, mais c'était genre des voitures, et je les jetais par la fenêtre de mon immeuble. Ouais. Dans la rue, genre. Sur les gens. Ouais, sur les gens, genre, c'était des avions, tu vois. Et en fait, je visais viser les toits des garages qui est en face. Donc les toits ils sont quand même hauteur. Et mon père à force qui aimait jouer qui tombe sur le toit en face, il fallait qu'il aille les chercher. Et il est monté avec une échelle sur le toit en face d'un garage. La gueule. Sauf qu'il est tombé du toit. Et ben comme toi Cédric, c'était pété clavicule, bras, avant-bras, enfin, les doigts, tout. Mais il faisait moins chier que Cédric. Hein. Cédric qui est de retour ce soir. Je dis pour ceux qui viennent de se brancher sur Sky. Ouais, il est dans le même état que Cédric un peu avec le bras flingué. Dans le même état. Ouais, bah non, pas physique, je veux dire, le bras. Ouais, parce que quand même, un peu de respect. Ah, sinon, j'aurais changé de parent. Et tu t'en es pas voulu? Bah, si, ouais, bah, je me suis surtout engueulé, quoi. T'imagines, t'as fait tomber ton père de l'échelle, parce que autrement, si t'avais pas acheté tes jouets, jamais il serait cassé. Bah, jamais. La haine contre toi. Ah, bah, la haine, gros, mais je m'étais fait dégager. Ouais. Moi, j'étais petit, je devais avoir genre 6-7 ans, tu vois. Il y a Ferme ta gueule, Cédric, qui vient d'arriver, 17 ans, qui nous dit, lui, qu'il a volé 3000 euros à ses parents, et qu'ils sont partis dans le shit et dans la tease. Bravo. Chapeau, mon frère. Ouf, toi. Moi, j'ai eu un message d'un daron, là. Il s'appelle Boucha, et lui, en fait, il a pété un plomb parce que son fils, qui était petit, tu vois, ouais, il a pris son iPhone et il a téléchargé 1800 euros de ah jeux oui, payants. J'ai vu le c'est l'application. 1800 euros. Ouais, et là, il s'en est rendu compte après parce qu'il n'y avait pas de code sur le truc de l'Apple Store, tu vois. Oh, putain. Et heureusement, il a pu expliquer tout à Apple et ils l'ont tout enlevé, ils l'ont tout remboursé. Il a de la chance. Ouais, ouais. En général, les mecs sont bâclés. Il a de la chance. Si tu t'en rends compte vite, peut-être qu'il y a moyen. Bon, alors on va voir pour toi. Inès, toi, t'as fait quoi à tes parents? Le truc le pire que t'as fait à tes parents, Inès? Alors moi en fait j'ai vécu à Londres pendant un moment. Wow. Et du coup t'avais quel âge quand t'es 21 là? T'avais quel âge quand t'as vécu à Londres? Bah j'avais 21 aussi, c'était l'année dernière. D'accord. Enfin c'était en janvier dernier. Mmh. Et du coup en fait ma mère vu qu'elle est stressée, elle me disait toujours quand tu rentres de soirée tu m'envoies un message. Oui. Sauf qu'un soir j'étais totalement bourrée. Voilà. Du coup, je lui ai pas envoyé le message, donc le lendemain matin, elle a commencé à s'inquiéter, elle avait pas de nouvelles de moi, elle a appelé tous mes amis sur Facebook, enfin, elle a essayé de les joindre tous, ils leur ont dit qu'ils m'avaient mis, dans le Uber le soir même et qu'ils comprennent pas pourquoi je réponds pas. Ouais, voilà. Du coup, elle a appelé la résidence où je vivais, la dame, en fait, elle s'est trompée de chambre, elle est rentrée dans une chambre, donc elle a dit à ma mère, votre fille, elle est pas dans sa chambre. Aïe, donc aïe, ma mère, aïe, elle a encore plus pété un câble. Quelle angoisse qu'elle a dû se taper, ta mère. Ah ouais, c'est quel coup de stress qu'elle a dû et avoir. Coup, t'es loin. Elle a pris la voiture et elle a démarré pour aller à la gare pour prendre un retard, quoi. Oh. Et à ce moment-là, moi, je me suis réveillée et je me rappelais plus de rien, je savais pas ce qui m'était arrivé, je vois mon téléphone, j'ai eu 10 000 appels en absence, etc. Oui, tu t'es dit, du coup, je l'appelle. Mais j'étais chez moi en fait. T'étais chez toi dans un chambre. Mais t'étais quoi? T'étais complètement décabanée, non? Ah ouais, mais complètement. Attends, je t'es une bonne, même ce qui m'est arrivé. T'as vite pris le pli anglais, hein. Tu sais, les Anglais sont très comme ça. Ouais. Et du coup, je l'ai appelée et là, elle était en panique, elle était en pleurs. Elle m'a dit depuis ce matin, j'étais de joie, etc. Ah, t'inquiète, maintenant, je suis juste bourrée. Voilà, bon, elle a compris que t'étais bourrée, tu lui as dit? Comment ça s'est passé? Bah, elle a compris parce que j'arrivais pas trop à parler le lendemain matin. Ah ouais, d'accord. Donc, voilà. C'est vrai que c'est pas bon, ça, ouais. Quand tu vas en soirée et que tu dis que t'appelles et que t'appelles pas, les parents s'angoissent. Ah, en plus, bah, toi, c'est sûr. Jusqu'au lendemain matin, c'est toi, ça. En plus, t'as, ouais. Ouais, jusqu'au lendemain matin. On salue Jason, 16 ans, qui, quand il était petit, a inondé tout l'appartement en pétant le radiateur, obligé d'appeler les pompiers, carrément. Et dans un autre style, c'est... Ah non, mais tu pètes un radiateur, mais ça inonde tout. Ah, mais en 5 minutes, la part, il est inondé, hein. Bravo, Jason. Un bébé. Parce qu'en fait, dans les radiateurs, il y a de l'eau. C'est de l'eau, mais il sous pression, quoi. Jason, c'est pour toi. C'est en gros, c'est comme si tu ouvres ton robinet à fond, et encore, c'est même pas, c'est encore plus puissant. Ou le jet de la douche. Ouais, voilà, ouais. Et donc en 2-2, c'est inondé, ouais. Ah, et Tom, 18 ans, qui dit à chaque fois que je fais une connerie, j'offre des fleurs à ma mère. Ça marche, crois-moi, ça mec. Avoir des bouquets, man. Merci, Tom. Ouais, ouais. Il y en a certaines. Jardin de fleurs. Il y en a certaines qui deviendraient fleuristes, ouais. Ah, c'est clair. Bon, et toi, fleuriste du coup, d'être content. Ah, toi, t'as encore fait une connerie. Ah, c'est ça. Bouge pas, Inès. Et il y a Chat, là, qui voulait témoigner. Le pire truc que t'as fait à tes parents, toi, c'est quoi, Chat? Moi en fait un jour mon frère il avait lâché son hamster dans la maison. Oui. Et genre c'est un truc qui fait 20 grammes. Et genre j'ai marché dessus et je l'ai écrasé en fait. L'hamster? Ouais. Mais c'est horrible. C'est horrible. Ça fait pas de bruit, hein. Non mais même toi t'as une mort sur la conscience, quoi. La mort du hamster. Ça va, la mort d'un hamster, quoi. Non mais ça va. Non, c'est horrible de tuer une bestiole. Moi je sais pas, ça me met mal, moi. Bien dire, Romano, moi aussi. C'est vrai, c'est vrai. Imagine par exemple, tu te lèves demain matin, tu écrases le chien. Comment réagit ta meuf qui a un peu ta mère? Non mais c'est pas, ça va, je baisse pas avec ma mère. Non mais tu baisses avec ta mère. J'ai dit ta meuf, c'était un peu comme ta mère. C'est-à-dire sans elle, tu es rien. Tu sais pas te faire à bouffer. Tu mangerais des bonbons. Non mais ça va, je sais faire des trucs. C'est un peu comme ta daronne, car je suis pas débile. T'es hagard. Oui, c'est vrai, elle te hagard, tout ça. Je t'assure. Non mais le hamster, en plus, sous le pied, ça doit être une horreur. Le pied est mou. Ouais, l'hamster. Non, c'est moi, mon chien, par exemple, tu sais, il va. Il a fait. Ça fait quel bruit? Ça fait. Oui, c'est ça, ouais. Bah ça a couiné. La queen, ah bah oui, la queen. Mais ça c'était le dernier cri là. Non mais à ce moment-là, fallait lever le pied. Non, j'ai continué. Non, j'ai tourné un peu. Bah non, mais quand tu commences à mettre le pied dessus, c'est Queen, c'est que c'est pas toi. Ah, c'est ces derniers. Non, mais des fois, tu sais, moi, c'est déjà arrivé de marcher sur le chien. Oui, mais c'est plus gros qu'un hamster. Ouais, c'est vrai. Oui. Mais tu es plus petit que chien aussi. Et Queen, mais tu vois, c'est pas, il est pas mort, quoi. Oui, bah oui. Mais le hamster, lui, bah, mais il a explosé. On nous demande sur SMS très bonne question. Putain, sur la moquette et tout. Il y avait du sang. Marie, elle pense qu'à la moquette. Il y avait du sang partout. Non, les yeux, ils sont sortis. Oh, comme Cédric. Cédric, quel côté t'as marché dessus quand tu étais petit? Je suis sûr que non. Je t'assure. Quoi. Ça fait sortir les yeux. Eh ben voilà, on sait d'où ça vient au moins, Cédric. Mais il est mort. Ah bah oui. Ah oui. C'est bon, ah ouais, il est mort. Ah putain, étonnant. Le pauvre hamster. Oh là. Bon, on a Tom aussi. Bouge pas, reste avec nous, chat. Tom de Nice qui est en ligne. Bonjour, Tom. Coucou. Ça va ou quoi? Coucou, bien. Et toi, Tom? Tranquille? Très bien, très bien. Très bien, très bien. Bienvenue sur Skyrock, Tom. Et oui, donc Tom, la pire chose que t'as fait à tes parents, c'est quoi, toi? Alors, j'avais 16 ans avec mon meilleur pote. Mmh. On a volé la voiture de ses parents. Donc c'était pour aller fumer un petit joint tranquille. Ah bah ça va alors, attends. Non, c'est pas en voiture, c'est bien ça. Moi, vous avez une excuse, quoi. Et de là, on croise une voiture de la BAC. Pas de chance. Donc, ouais, pas de chance, ouais. Là, il venait d'arrêter Serge Aurier. Ouais. Non. Donc là commence une course-poursuite avec la bague. Bon, bien sûr, on se fait rattraper. Ah, mais vous, ah avez, oui, vous êtes même, quand ils sont arrivés, vous êtes même pas arrêtés. Moi, je lui gueule dessus à mon pote. Putain, passe le pochon, il faut que je le cache. Sinon, on va se faire éclater, tout ça. Non, on s'est pas arrêté. Délit de. Délit de fuite, les amis. Délit de fuite, les enfants. C'est pas bon, ça. Ah, ça, ouais. Et il nous chope, heureusement. On a fait style qu'on était les petits de 16 ans, on savait pas trop qu'est-ce qu'on faisait. Oui, donc on a fait les gentils. C'est pas débile non plus quand même. Non, mais. Puis à 16 ans, t'es pas non plus, t'es pas non plus un bébé. Oui, tu dis ça, bah. J'ai que 16 ans, monsieur. Oh, mon petit. Est-ce que tu veux que je te change de couche? Allez. Hein, ouais, puis ils en voient d'autres, hein. Je vais te changer la couche. Ils nous ont ramené, chez mon pote. Ouais. Bon, là, sa mère, elle nous a éclaté, elle nous a mis la misère. Ah bah, j'imagine. Elles ont appelé mes parents. Bah oui. Mes parents, ils m'ont mis la misère. Ouais. Et ensuite, une heure après, je rappelle mon pote et je lui fais, bon, on va le fumer ce joint. Et on reprend la voiture et on va fumer notre joint. Vous êtes cons aussi. Les mecs, ah, vous garder dans la merde, on continue. Et ça, ils ont été au courant ou pas? Non, pas le deuxième coup. Non, ça, ils n'ont pas été au courant, heureusement. Et vous n'êtes pas fait arrêter par la police? Non, on a eu de la chance. Ouais, les conneries qu'on fait. On n'a pas pris le même chemin. Vous avez bien fait. Heureusement que les keufs n'ont pas dit la même chose. Ouais, parce que des fois, ils changent de chemin aussi, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, alors, tiens, une fois, ma mère m'a chopé avec la copine de mon frère dans la chambre. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? C'est Pang qui nous laisse un message. Bah, choper par un truc très catholique. Ouais, c'est surtout pas bien pour ton frère. Non, c'est pas cool, non. Alors, qu'est-ce que vous feriez, vous, tiens, si vous aviez eu le même problème que Nathan pour vous faire pardonner? Donc, Nathan, il se fait virer du centre de formation, hein, c'est ça. Bah, déjà, apprentissage. Déjà retrouver un bahut au plus vite. Bon, ça c'est ce que dit plein de monde. On est plein de monde. Laetitia nous a dit ça sur le 41-759. Romain, 22 ans aussi, nous a dit la même chose. Retrouve-toi vite un bahut, retrouve-toi. À la limite, il y a même qui disent de te retrouver un travail. C'est Tacos qui nous a envoyé un message. Tacos qui propose ça. C'est pas con comme idée. Ouais, parce que tu peux être formé en cuisine aussi, mais bon. Qu'est-ce que t'en penses, Nathan? Ouais, mais en fait, c'est que je veux plus continuer l'école. Oui, bah, mais tu veux faire quoi? Ça tombe bien, ils t'ont foutu dehors, tu vois. Donc. Bah, là, là, au moins, t'en veux être exaucé, hein. Oui. Et donc, je me suis inscrit au service civique. Bon, bah, au moins, ce qui est bien, c'est que tu fais pas rien. C'est-à-dire que tu. Ah, c'est le truc, là, ouais. C'est quoi, pendant 6 mois, c'est ça? Ouais, de 6 à 12 mois. Ah, oui, et puis t'es payé un peu, ouais. Ouais, au moins, tu fais pas rien. Et tu fais des trucs pour des assos et tout ça, ouais. Ouais. Au moins, bah, pourquoi et là, pas? Je vais peut-être aller à la gendarmerie de Versailles. Eh ben voilà, vous avez vu le futur gendarme, c'est ça? Ah la jeunesse. La gendarmerie de... Non mais faut montrer à ta mère que t'as un objectif dans la vie, que tu te laisses pas aller, que tu vas parce que la pauvre. Hein. Et en plus ça fait même pas un mois que t'as repris quoi. Ah oui, tu t'arrêtes vite toi. Ah bah ouais c'est un peu. J'ai dû avoir honte de ta mère face au directeur et tout là. Qu'est-ce que vous feriez vous alors, Inès, toi qui m'a l'air assez raisonnable. Inès, c'est celle qui était complètement bourrée et qui a pas prévenu ses parents, enfin sa mère surtout. Ouais, qui était à Londres et sa mère a failli débarquer. Ouais. Voilà, elle a failli prendre le train ou l'avion pour Londres, imagine. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais toi à la place de Nathan? Bah moi, ce que je ferais, c'est que je trouverais une autre école parce que, enfin, je sais que j'ai mon frère qui a eu un peu la même situation que lui. Pareil, c'est viré. Et du coup, il a arrêté les cours, etc. Et maintenant, quelques années après, il regrette vraiment et là, il a envie de reprendre justement, de retourner dans le domaine scolaire. Mmh. Et du coup, moi, je lui dirais de se motiver à retourner en cours. Ouais, pour montrer à ta mère que t'es motivée, quoi, oui. Ouais, voilà. Ouais, tu vas pas passer ta vie à rien branler. Il va le regretter un peu plus tard, donc vaut mieux qu'il s'en rende compte maintenant. Il y a Nas qui me dit, mais elles me font bander, les deux auditrices, elles ont quel âge? Non, mais ça va pas. Putain, mais l'autre, il est au taquet. Nas, il arrête pas depuis tout à l'heure. 23 ans, Nas. Il en peut plus. Bon, Inès, t'as 21, toi, c'est ça? Ouais. Ouais. Et puis chat, elle en a 15, donc attends un petit peu. Ouais, on va attendre un peu, ouais. Ah, chat, on va faire comme ça. Voilà, pourquoi? Ah, ouais. Parce qu'il y a des trucs. On va attendre un petit peu. Limite un peu vieille pour moi. Bah, pour toi, oui, Cédric, peut-être. Mais bon, tout le monde n'est pas comme toi. Et con, ouais. Heureusement. Ah, ouais, heureusement, ouais. Et toi, chat, tu ferais quoi par rapport à Nathan pour lui filer un coup de main? Moi, ça serait une autre école. Toi aussi, pareil. Genre, une école où faut apprendre maçon ou paysagiste, un truc comme ça. Ouais, ou serveur, comme il voulait faire, mais enfin, bon, faut trouver une école. Ouais, un truc qui lui plaît, ouais. Quoi. Tu fais pas une école d'escroc, Romano? Je pourrais monter ça, ouais. Bah ouais, tu devrais. L'école des conseils pas chers. Bon, soyez gentils avec les darons et les daronnes. Enfin, essayez, hein. Parce que c'est pas facile tout le temps. Marie, le pire truc que t'as fait, tu nous as dit. Oh putain, moi, il y en a eu un. Allez, choisis un que t'as pas raconté. Bah alors, peut-être, quand j'étais plus petite, ma mère voyageait beaucoup et on avait un. Mais du coup, j'ai couché son mec. Non. Mais non, c'est pas ça. On avait un grand appartement. Ouais. Et en fait, ma mère est rentrée plus tôt. Elle est rentrée dans la nuit. Et moi, j'avais foutu. La connasse. Tu sais, j'avais foutu. Comment ça s'appelle, tu sais, le truc de sécurité, la barre, là, derrière la porte d'entrée? Ouais, le laisse. Ah ouais. Le loquet qui bloque. Elle a essayé de rentrer. Elle a sonné. Elle a sonné des milliards de fois. Elle a appelé. J'avais le téléphone dans la chambre. L'entrebailleur. Merci. Ah ouais. Tu sais ça. Et du coup, elle a dû appeler. elle a dû appeler les pompiers avec la grande échelle qui ont pété une fenêtre et qui sont venus me réveiller. Je me suis réveillée. J'avais 4 pompiers au-dessus de la tête. Vous savez ce que j'ai fait? Eh ben, je les ai tous pompés. Ah, c'est gentil, Marie. En chantant, j'ai pompé les pompiers. C'est super sympa pour eux. Les m'appeler. J'ai flippé. C'est la première fois que j'ai vu ma mère pleurer parce qu'elle avait eu tellement peur. Elle se pensait, elle se pensait passer. Mais elle s'est pas dit que tu dormais la nuit, non? T'as fermé parce que tu dormais. Moi, c'était un peu comme l'histoire que je vous ai déjà racontée. Un bébé pour Marie quand même. Avec mon père qui voulait me foutre un coup de manivelle sur la gueule. Pourquoi? Parce qu'en fait, un jour, ils étaient pas là, je voulais rentrer et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pété la porte du garage et je suis rentré, tu vois. Ah oui, tu nous avais raconté. Je suis rentré chez moi et mes parents. Je me rappelle pas. Mais si. Si, il l'avait déjà raconté. C'était une porte en bois, je me souviens, j'avais mis des gros coups de pompe dedans pour faire sauter du bois, vu que je suis tout petit, j'étais passé rentre. Oui. Et, donc, moi, je suis rentré dans la maison, parce qu'il y a des clés qui étaient planquées, donc j'avais récupéré les clés de la maison. Et, moi, j'avais allumé et tout, je faisais ma vie, quoi. Et mes parents, ils sont arrivés en bagnole, et mon père, il voit de la lumière, il se dit, et la porte défoncée, il se dit, ouais, on est en train de nous planquer. Putain, les cambrioleurs, là, il prend le fusil. Non. Dans la bagnole, tu sais, t'as la manivelle pour monter le cric. Ouais. Il prend la manivelle à la main, tu sais, et il commence à rentrer dans la maison. Tout et moi, doucement. Mais ouais, parce qu'il voulait foutre un coup de manivelle au mec. Bah ouais, normal. Au voleur. Et en fait, c'est moi qui ai failli me le manger. Parce que je vois, si j'ai vu la manivelle, il a commencé à lever son bras. Oh, mon Dieu! Je fais, oh, c'est moi! Et là, il se m'a fait, oh, mon Dieu, mon Dieu! Je l'ai vendu, j'ai failli te foutre un coup de manivelle. Qu'est-ce que tu m'as fait peur? Eh, soyez cool avec vos parents. Hein. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Si vous avez des messages, n'hésitez pas. 41759, skyrock.fm. Et puis merci à au Mollet-Joie qui nous dit, moi quand j'étais en école hôtelière, la patronne elle m'a pas gardé, à cause de l'âge j'étais dégoûté. Mais faut te trouver une nouvelle école, tout le monde dit la même chose, Nathan. Trouve-toi une nouvelle école. Non, mais école. Une nouvelle école peut-être dans un autre domaine, ouais, si ça te plaît vraiment pas. Oui, trouve un truc qui t'intéresse. Et comme ça, tu te calmeras peut-être un petit peu. Hein. C'est normal de faire des conneries quand on a 16 ans, nous dit Blacko là sur SMS. Oui. Bon, bah écoute, merci Nathan, surtout merci à Inès. Gros bisous Inès, hein. Merci d'être venu. Gros bisous. C'est bon, t'as plus fait peur à ta mère, ça va maintenant? Non, ça y est, c'est bon, cool, bien. Tom, on te remercie aussi, on te fait un gros big up, un gros bisou aussi. Tiens. Attends, oui, un bisou. Stéphane, un bisou, vas-y, un bisou. Bisou. À qui? Dédicace à mon polo à côté en cours, à mon frérot Gilles et à la terminale ES. Eh ben, salut tout le monde, bah, bon courage en terminale, les gars, là. Et puis, chat, ouais, on te remercie, ça, super ça. Chat, pour le témoignage. Je peux faire une dédicace aussi? Et fais attention où tu mets les pieds si vous avez racheté un hamster, ouais, hein, faut pas marcher dessus. Hein. Tu m'étonnes. Je peux faire une dédicace? Yes, vas-y. Je fais une dédicace à Gauthier, c'est son anniversaire. Bon anniversaire, je t'aime fort. Oui. Ah bah, je fais une dédicace à tout le collège, puis à mon défense de Marcoussi et à Mathilde. Ah, attends, on va faire comme dans le. On te fait un bisou, hein, chat. On t'envoie le t-shirt Skyrock, pareil pour Inès, pareil pour Tom. Ciao! Et puis, Nathan, je sais pas si on te l'envoie, mais bon. Bisous à toi, chat, tu reviens quand tu veux. Et elle est dans le 91 pour ceux qui demandent où est-ce qu'elle est, cette jeune fille avec la belle voix. Il y en a une du 91, c'est chat. Et Inès, toi, t'es à Paris. T'es à Paris même, toi, Inès. Voilà. Ouais. Bon, les deux en Ile-de-France, donc. Ah. Bisous, les filles. Bisous. Salut, les filles. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle Elle a pris du galon, en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon pote, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On a coulé de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les hommes sous son blabla. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous mes scars. De Marseille à Panama, on lui veut la part des hommes comme ça. Soleil de minuit, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta. De partout elle fait des avances, elle n'a pas que sa langue dans sa bouche. J'ai bien capté ses manigances, elle ne m'emmènera pas dans sa douche. Elle voit que le côté finance, un euro tu n'as pas, elle trace sa route. Le smic est resté assez minable, elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Skyrock. Alors Alexis, dis-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Bah voilà, ça fait deux ans que je suis avec ma copine et genre depuis deux ans, genre je vais sur mon téléphone, je crée j'ai créé un deuxième compte Snap pour parler à des autres filles. Ouais. J'étais sur Smack. Ouais. Pour aussi parler avec des autres filles, mais bon, rien de. Mais pourquoi tu vas parler avec des autres filles? Est-ce que tu t'es demandé pourquoi t'allais parler avec des autres filles? Parce que quand t'es très très amoureux, tu ne vois qu'une meuf dans ta. Ouais, vraiment, mais le problème c'est que. Avant d'être avec elle, je parlais avec beaucoup de filles. Non, mais tu peux parler avec d'autres filles, mais quand tu vas sur Smax, c'est plutôt pour serrer des meufs en général. C'est pas fou. Bah, pas spécialement, parce qu'il y a personne qui répond, mais bon. T'as pas de chance, toi, tiens. Ah, merde. T'as pas de chance. Ouais, non, mais ça, c'est pas. T'as mis ta photo? C'est le fait de créer un deuxième compte Snap. Non mais c'est pas normal. En plus Smax. Pour serrer, c'est parfait. Ouais. Bah ouais, à chaque fois qu'on parle des réseaux de rencontres, franchement Smax, ça marche bien a priori. C'est l'appli Smax. T'as mis ta photo, non? SM1. Ouais, j'ai mis ma photo, ouais. Faut la changer. Ouais. Mais une autre. Mais c'est possible. Non mais pas peut-être. Je sais. Ouais, donc tu vas, mais pourquoi? C'est quoi le qui te pousse? C'est quoi? Tu vas gratter de l'amitié, quoi? Ouais, voilà, c'est ça, enfin, pour avoir de nouvelles têtes, en fait, dans mon téléphone, pour parler à de nouvelles personnes. Ok, t'as envie de rencontrer une nouvelle personne. Mais que des filles. Quand je fais ça, j'ai envie de lui dire, mais j'ai toujours cette peur de, enfin, qu'elle le prenne mal, ou qu'elle me gueule dessus, quoi. Elle va péter un câble. Non, faut pas dire. Aucune confiance dans ce genre de mec, nous dit Mina. Mais si par exemple il y a une meuf avec laquelle ça se passe bien, qui tape l'amitié, enfin tu lui tapes l'amitié, elle, tu vois que ça répond bien. Est-ce que si elle te propose un truc sexuel, par exemple, est-ce que t'irais ou pas? Non. Hein? Non, parce que j'aime ma copine et puis je sais bien que j'arriverai jamais à la tromper. Tu vois, même si t'es sincère, tu vas dire ça à ta copine, ça va foutre le bordel, je suis sûr. Non, mais en plus tu peux pas lui dire. Comment veux-tu lui annoncer? Tu nous as expliqué que t'avais une deuxième puce pour te cacher de machin. Tu vas tout lui déballer comme ça, mais la meuf, elle va péter un câble. Mais pourquoi tu veux lui dire? Parce que t'as rien à t'approcher. Pour vivre dans une relation de confiance en fait. Oui, pour lui dire, je fais ça. Parce que quand elle fait, au départ qu'on était ensemble, elle faisait. Elle parlait aussi à beaucoup de mecs et elle me le disait tout le temps. Elle me disait, je parle à un tel. Non mais sinon, je vais sur Smax. Aïe. Non, ça va pas le faire. Ouais. Non mais je pense que t'irais par exemple sur d'autres chats, mais qui ont rien à voir avec des trucs de rencontre. Je sais pas, un chat, j'en sais rien, jeux vidéo. Après, tu peux trouver des potes ou même des meufs, parce que de toute façon on a parlé l'autre fois, maintenant il y a autant de meufs que de mecs qui jouent à la console, donc j'imagine que sur les chats jeux vidéo c'est pareil, et là je pense que ça passerait mieux parce que Smax, Tinder, tous ces trucs là il y a une connotation cul, tu sais, c'est des trucs pour baiser concrètement. Carrément, bah ouais. Ah bon, 95% de la vous avez pas tort. Alors que si tu vas sur un truc où la discussion, tu sais, c'est un autre thème à la base, c'est un truc sur les jeux vidéo, j'en sais rien, une passion que t'as, je sais pas moi, le tir à l'arc ou le cheval. Et pourquoi tu cherches des nouveaux amis? T'as pas assez d'amis dans ta vie? Ou alors depuis que vous êtes en couple, vous êtes coupé des amis, vous vivez tous les deux en autarcie? Comment ça se passe? Non, bah en fait de base, moi j'ai plus en cours, donc tous mes potes de cours, j'ai plus trop de nouvelles, donc j'aimerais bien avoir des nouveaux potes. Quoi. D'accord. Et s'il y a des mecs qui viennent te taper l'amitié, t'acceptes aussi? Bah ouais, moi je m'en fous. D'accord. Bah, en fait, toi t'as envie de connaître du monde, quoi. Ouais, toi t'as rien à t'en reprocher. Ouais, voilà, de connaître du monde pour voir. Vous sortez pas avec ta meuf? Genre, dans des bars et tout. Dans des bars, c'est génial. Ah ouais. Dans des bars. Mais oui, bien sûr. Non mais dans des soirées, je sais pas, en boîte, oui, ou dans des bars, chez des potes. Dans des bars. Bah en fait, à chaque fois le week-end, elle vient chez moi et on reste chez moi en fait. Ah oui, donc forcément pour connaître des gens, c'est pas le top. Ouais, ouais, c'est pas super. Non mais t'es des potes, je sais pas. Bah déjà, pourquoi tu prends pas contact avec les mecs que t'avais tes potes du bahut? Bah moi je vais du principe qu'ils ne me donnent pas de nouvelles, j'en donne pas non plus, quoi. Ouais, enfin, si eux, ils sont comme toi, ouais, a priori. Genre, tu fais pas un compte à deux. Un compte à deux? Ouais, avec ta copine. On avait un compte bancaire. Facebook, mais on l'a. Alors là, faut pas aller sur Smax, faut aller sur partouze.net. Ça, c'est délire. Tu vas sur partouze.net. Mais si c'est pas pour du cul. Ou net échangisme. Voilà, ça aussi. Net échangisme, tu peux aller, ouais. Alors les gars, vous en pensez quoi? Je vais d'abord lire les messages des gars et les messages des filles, parce que c'est bien différent dans ce que vous laissez depuis tout à l'heure. L'Albanais, 20 ans, qui nous dit on a le droit de parler avec d'autres meufs quand même. Jules, qui nous dit tant qu'il a que des liens d'amitié, il a raison d'y aller. Et maintenant les messages des filles. Tiens par exemple Anissoute, ça défile, qui nous dit en même temps c'est étrange d'aller chercher plein de nouveaux contacts. Tu vois, elle trouve ça chelou. Ouais. Ah bah moi je dois avoir un cerveau de meuf, mais je pèterai un câble. Si, Mathieu, oui. S'il me dit qu'il va sur Smax, moi, je le défonce. Toi, t'es énervé, toi, dis donc. Alessia qui nous envoie un message. Non, mais t'as raison, c'est des trucs de cul. Comment tu veux expliquer à la meuf? Ouais, je vais juste gratter l'amitié. Ma copine, j'étais aussi sur Smax au départ, mais elle me l'a dit. Moi, ma meuf, elle me dit, ouais, je suis sur Smax pour trouver des amis. Mais je lui dis, mais tu me prends pour un con. Ah ouais, tu me prends pour un con. La pauvre, alors qu'elle fait rien. Non, mais c'est. Je sais pas, la réaction normale, c'est de dire. Ouais, tu me prends pour un con, quoi. Tiens, il y a Off qui dit c'est un salaud, c'est tout. Voilà, bam. Non, mais en plus, t'as l'air sincère. Bah oui, t'es sincère. Ça s'entend, ouais, que tu vas pas pour serrer des meufs. Mais moi, je te dis, faudrait que t'ailles sur d'autres trucs, mais qui ont pas de connotation cul. Tu vois, tous les trucs de rencontre comme ça, si c'est mort, qu'est-ce que tu veux lui dire? Après, je suis dans des groupes Facebook surtout, mais bon, en plus, c'est pas trop. Ouais, mais c'est vrai que si tu lui dis que tu vas sur un site de rencontre. Non, ça le fait pas. C'est pas pareil, ouais. Donc c'est pas la même chose. Non, mais en plus, il y a des forums sur tous les thèmes, tu vois. Sur Facebook, il y a des groupes. Je sais pas, si t'as une passion d'un truc, tu vois, ouais, tu trouves un groupe, tu vas te faire des amis. Facebook, quoi. Il y a un pou, il comprend pas. Je vois pas l'intérêt de parler à des meufs pour rien. Lui, quand il parle à des meufs sur Smax, c'est juste pour baiser. Ouais, pareil. En général, c'est ce qui se passe. Bon, ouais, donc Alexis, c'est vrai, va sur des sites sans connotation cul, sans connotation sexuelle. Ah non, mais ça rend fou. Moi, j'avais fait enlever mon. C'est pas vraiment Pour ça, en fait, c'est juste pour le fait de comment lui dire si je vais sur un... Bah, non, mais après, tu pourrais lui dire, je suis sur un site de, je sais pas, jeux vidéo, j'ai rencontré du monde. Juste pour, en fait, être dans une relation de confiance, tu vois. Bah, dans ce cas-là, tu vois, tu vas sur un site qui est pas cul, où tu rencontres des gens, tu discutes avec des meufs, et tu la mets derrière toi, ta meuf, tu dis, ah, tiens, regarde, je suis en train de discuter avec elle. Là, elle te fout un pain dans la gueule, elle sort en pleurant. Ça fait... Et puis, c'est le drame. Elle est jalouse, elle est comment, ta meuf, ou elle est tolérante? Non, elle est pas trop jalouse. Bon, bah, tu fais ça. Elle pourrait. Si je parle à quelqu'un, du moment que je lui dis derrière, elle va pas me. Ouais, pas de soucis, quoi. Ouais, mais bon. Eh ben, tu fais ça. Voilà. Donc, mon idée géniale d'aller sur un site qui soit pas cul. Ouais, non, mais attends, tu n'as pas de la gueule du monde. Elle est adoptée. Pourquoi tu l'as trouvé pas bien, non, mon idée? Non, mais attends, c'est moi qui l'ai dit. Elle est adoptée. Le truc des jeux vidéo, machin, de tir à l'arc et de cheval. T'avais dit du cheval. J'avais dit des jeux vidéo aussi. Juste avant, parce que je pense que, Alex, si tu fais ça, ça se passera bien. On a Émilie au téléphone avec nous en direct de New York. T'es là, Émilie? Oui, allô, bonjour l'équipe. Bonjour, Émilie. Ouais, Émilie. Je suis trop contente de vous parler. Ben, ça s'entend, dis donc, ça fait plaisir. Ben, bienvenue à toi, Émilie. Oui, donc moi, t'as entendu Alexis, pense, toi aussi. Je pense que c'est pas très honnête de sa part de faire ça, parce qu'à partir du moment où il va, sur des sites de rencontres, c'est qu'il y a un problème. Mais non, mais il fait rien. T'as entendu, il a l'air honnête en plus. Mais Alexis. Ouais, mais non, mais ça craint. Enfin, je sais pas. Toi, tu serais sa meuf, t'apprendrais ça, tu serais pas contente. Ah non, je serais pas contente. Tu ferais du boudin, tu traperais des pieds. Non, mais est-ce que tu lui dirais, parce que admettons ton mec il te dit je vais sur des trucs de rencontre, genre Smax, Tinder ou bon n'importe, et il te dit mais c'est juste pour trouver des amis. Tu lui... Mais non, c'est pas possible, ouais. C'est des trucs de cul, ça, faut arrêter. Ah, quoi, on est d'accord, tu lui dis, tu me prends pour une conne. Faut pas lui dire, Alexis, mais t'as non, vu, c'est confirmé, hein. Enfin, franchement, je trouve pas ça bien, enfin, je sais pas si ça fait longtemps qu'il est avec sa nana, deux mais... Deux ans, hein, Alex. Pourquoi tu as fait? Imaginons, je vais sur Smax, je garde toutes les conversations et je lui montre. Ouais. Franchement, c'est toi, t'es un fan de Smax, ça, c'est bien Smax. Non, mais peut-être pas Smax, mais je prends. Non, mais reste sur Smax. Non, t'es déjà sur Smax, tu vas pas te mettre sur Adopte un mec et parce que si tu te mets sur tous les sites, à mon avis, il va y avoir encore un plus gros souci. Ah bah ouais, c'est clair. Ou alors, il faut aller sur des trucs mais qui ne sont pas cul, quoi. Exactement ce que j'avais dit, Romano. Tu es d'accord avec moi? Voilà, t'es d'accord avec ma méthode. C'est gentil. Mais genre, non, mais c'est ma méthode. Il y a pas de nanas qui l'ont branché, quoi. Enfin. Ah ouais, t'as pas des nanas qui t'ont demandé? Non, sur Smax, il y a pas une réponse. Donc on a dit la photo doit merder. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais, ben. Enfin, ouais, moi ça serait mon mec. Ça se passerait pas bien, ouais. Après, non, même si je parle à des autres filles ou quoi, enfin je lui montre la conversation, comme ça au moins, enfin elle est sûre et certaine qu'il y a rien qui se passe rien, quoi. Non, mais tu vois, moi ça me fait un peu de peine. Si tu veux prendre des risques, pourquoi pas, mais moi je lui montrerai pas les conversations que j'ai sur Smax. Pourquoi t'as de la peine? Non, mais je sais pas, d'aller. Chercher comme ça l'amitié sur des trucs, tu sais, moi j'ai. Ouais, non, mais parfois, tu vois, t'as des coups. Après, ça peut marcher, hein. Alexis, tu t'es mis avec ta meuf, t'es parti de l'école en même temps, t'as perdu tes amis de l'école, t'en as pas retrouvé d'autres, donc t'es un peu en autarcie. Moi, je comprends que t'as envie de trouver des amis. Ouais, mais je suis pas sûr que ça soit le truc idéal pour trouver des amis, quoi. Après, il vaut peut-être mieux sortir, Marie, bien aimé ton idée des bars, Romain. Ouais, ça, forcément, de toute façon. Bah, bien sûr. Il faut aller dans un bar. Bah, tu rencontres du monde. Ouais, parce qu'en monde, le barman, il est super. C'est quand même mieux les relations réelles que. Oui, parce que le barman, il a plein à boire, alors que sur Smax, il te donne pas à boire. Ah non, bah ça, non. C'est gentil, mais pas boire. Non, plus, tu pourrais y aller avec ta meuf, donc. Si, il y a des mecs qui sont pas donnés à boire, Marie, mais. Oui. Faut que tu les rencontres, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois l'échange, quoi. Oui. Bon bah écoute Émilie, tu viens de résumer un petit peu ce qu'on en pense, raison, et surtout ce qu'en pensent toutes les filles, hein. Donc les filles, bah, je pense que c'est ce que pensent toutes les nénettes, hein, Les nénettes, exactement. Salut les nénettes d'ailleurs, et même les garçons d'ailleurs, je salue et les filles et les garçons. Kikou les boys and girls. Merci les boys and girls. Merci Mathieu Delormeau. Bon bah merci Émilie, on te fait un gros bisou en tout cas, puis tu reviens quand tu veux, hein. Je vous fais de gros bisous, et il y a pas moyen d'avoir un petit cadeau? Si, alors le cadeau c'est pour Alexis aussi, parce que vous en aurez un chacun, parce qu'on est super généreux, ouais, à Skyrock. Cool. Et bien on vous envoie le t-shirt Skyrock à la maison, à tous les deux. Et Alex, tiens-nous au courant de la suite de l'histoire et de ce que tu vas faire, parce qu'après c'est toi qui décides, hein, maintenant. Non, mais essaye de rencontrer des gens vers chez toi, tu sais, sortez avec ta meuf, parce que ouais, on va sortir. Forcément, si vous restez enfermé tout le week-end, ouais, les gens vont pas venir frapper à la porte. Non, du coup, je vais être ton ami. Salut Alex. Salut. Hakim, alors on revient aux vengeances là, ouais. Parce que ce matin on parlait des vengeances dans la compile du morning. Et donc il y avait des lycéens qui avaient foutu le feu à la maison de leur proviseur parce qu'ils les avaient foutus dehors. Faut pas faire, hein. Non. Il y avait l'ex-boucher d'Intermarché à Chartres qui avait été condamné parce qu'il avait rendu tous les collègues malades en servant un gâteau au cannabis, parce qu'il y a une de ses collègues qui l'avait conduit. Il voulait la serrer.

Ah oui, tes parents, c'est vrai que pour faire accepter ça, c'est pas dément. Hein. Bon, et merci à Panda. Merci Panda, on te fait un gros bisou. Bisous Panda. Oui, gros bisous à vous, chérie. Merci. Et vivement les prochaines vacances avec tonton et tata. Hein. Ah, ouais. Tonton et tata. Ouais. Non, je vais éviter. Ah, tu pars plus avec eux maintenant. Oh, c'est bizarre. Hein. Tonton qui t'amène en... Pourtant, il a été sympa, il te fait découvrir le truc naturiste et tout. Ah ouais, bon. Franchement cool. Samir, t'es avec nous, Samir. Samir, ça prévente Skyrock. Wow. Il m'a l'air bien heureux, Samir. Ça fait plaisir. Bon, alors, Samir. Pas trop, hein. Ta merde. Non. Donc toi, tu nous avais appelé. Non, ça s'est très bien passé. Ah, trop... Là, on est à Toulon, 89 FM pour écouter Skyrock à Toulon. Donc c'est toi, ça. Tu voulais demander ta meuf en mariage, donc t'as 25 ans, t'es toulonnais. Et c'est pour le jour de son anniversaire. Et tu voulais faire ça le jour de son anniversaire et tu nous as demandé qu'est-ce que je pourrais faire de spécial pour marquer le coup, tout ça. On a eu des voilà, idées, mais... Johnny très très bonne idée. Johnny l'auditeur. Ouais, Johnny là. Johnny l'auditeur. Oui, c'est vrai. Rock and roll. Johnny l'auditeur. C'est putain Johnny l'auditeur dans l'émission. Ah ouais, France D, je me rappelle plus. Ouais, donc voilà, en bref, ce que j'ai fait, donc en fait, je suis resté en France parce qu'elle avait un problème de passeport, il était périmé. Ah, on t'avait dit d'aller donc, faire un tour, mais sans passeport, tu peux aller, je sais pas moi, tu peux aller à Venise par exemple, aller en Italie. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, avec ta pièce d'identité. Ouais, mais en fait, comme je savais pas, j'ai pas pris de risque. Ah. Bien fait. Mais pour l'instant, on peut encore. Tant qu'ils ont pas remis des frontières et des murs autour de la France, pour l'instant, c'est pas encore fait. Ça ne saurait tarder. Ouais, ah ben, je le saurai pour la prochaine fois. Donc profitez-en. Pour l'instant, on peut encore sortir de notre pays. On peut se promener. C'est possible. Eh ouais, donc comme j'étais pas au courant, bon ben j'ai pas pris le risque. En fait, je suis parti sur la Côte d'Azur, donc sur Nice. Bon, ça va, c'est moins loin, c'est moins cher, hein, Romano. Oui, c'est vrai. Ouais. Quoi, Nice, c'est pas donné comme ville. Hein. Ouais, mais Toulon, Nice, c'est moins loin en voyage. C'est voilà, comme on dit, c'est pas donné. Ouais, c'est pas donné. Tu vas voir le prix du hôtel. Donc franchement, donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc je suis parti 2 jours en avance. Donc j'ai pris un hôtel de luxe. Je suis parti. Combien la chambre? La chambre. En fait, j'ai pris un pack. Assieds-toi, c'est toi, Romano. Attends, je me mets en condition. Ouais, Romano s'assoit. T'es assis? Ça va. Vas-y. Ouais, donc en fait, j'ai pris quand je suis parti voir le responsable de l'hôtel, il m'a proposé un truc, donc j'avais expliqué que c'était pour une demande, c'était pour un anniversaire, etc. Mmh. Donc lui, il m'a proposé un chauffeur qui vient récupérer. T'as sorti le grand jeu, ouais. Qui vient vous récupérer quand vous arrivez à Nice. Ouais, t'as sorti la carte bleue aussi. Ouais, c'est ça. Qui vient récupérer donc ma copine à la gare. Oui. Qui l'amène à l'hôtel et ensuite qui l'amène au restaurant. Ouais. Donc, il y a eu ça. Il y a eu. Ah, tu l'as pas reçu dans ta chambre. Moi, j'aurais reçu directement dans la chambre d'hôtel. Il y a eu la mise en place de la chambre. Donc, pétale de rose en cœur sur le lit. Ouais. Comme c'est romantique. C'est cucu, mais c'est romantique. Champagne. Mais ça pas, mais bien. Et c'est cucu. Boîte de chocolat, voilà, champagne, etc. Combien donc, Romano, il veut le prix. Il y a eu un violet et 2 verres pommes. 700 euros. Ah ouais, quand même. Combien? Une nuit ou 2 nuits? Non, 2 nuits. Non, 2 nuits, 2 nuits, 2 nuits. Ah, ouais. Mais ça, c'est que l'hôtel, cher, mais. Ah ouais. Bah ouais. Que l'hôtel. Tiens, mais franchement, je m'attendais limite à plus. Ouais, je m'attendais à ça. Bon, c'est déjà pas mal. 700 euros, c'est déjà pas mal. Non, mais parce que voilà, parce qu'apparemment, ils m'ont fait une remise. Ah, en plus, ils t'ont mis bien. 700 euros, ils te font une remise. Ouais. Heureusement qu'ils ont fait la remise. Non, mais si t'étais, dans la gros. Mais 5 étoiles, c'est. Non, mais j'étais dans un beau truc. C'est bien. Franchement, il était magnifique. Et alors, tu l'as fait ta demande en mariage quand? Donc en fait, je lui ai laissé son billet dans sa boîte à gants. Enfin, sa sœur lui a laissé dans sa boîte à gants. Donc, elle lui a mis un petit mot, regarde ta boîte à gants, etc. Donc, elle a vu le billet. Mieux, imagine, elle ouvre pas la boîte à gants. Tu te retrouves comme un connard à 10, ça pour rien. Avec des pétales de rose, bon, je vais les récupérer. Et le voiturier, bah oui. Faites-moi un tour de Nice. Comment en fait, elle a de la famille à Nice, ma copine. Donc, du coup, elle a dit, ouais, c'est son frère qui voulait la voir pour passer un week-end en famille, etc. Ah ouais, d'accord, genre tu l'as sorti une phase pour qu'elle se barre à Nice. Voilà. Et au final, la demande en mariage, tu l'as faite quand? Dans la chambre, la nuit, en même temps, un nœud autour de ta bite, ma chérie. Au restaurant. Non, au restaurant. Mais genre, tu t'es mis à genoux devant tout le monde? Non, je suis arrivé en cheval. En cheval dans le resto, putain, l'affiche. Hey, qu'est-ce qu'il faut faire? T'as fait comme dans les visiteurs. Il y avait des personnes âgées. Oui. Il y avait des personnes âgées, ben ils avaient voilà. Ils ont fait une attaque cardiaque, ils ont flippé du cheval. Non, ils ont fait. Oh, ça me rappelle quand j'étais jeune. Non, ils étaient. Ah, parce qu'on voyait les touches en chevaux. Ça me rappelle quand j'étais jeune. Ils ont dû et tout. Ah, non, mais dans le resto, t'hallucines, tu vois arriver un mec sur un cheval. Là. Dis, ouais. C'est... En plus, en disant, mais sire, mais sire, où est mon escuyer? Non, mais non, parce que peut-être quand je l'ai dit comme ça, ça fait rigoler, mais sur le coup. Pas le sourire. Bah, elle était surprise. sur le coup, tu vois, voilà, c'est ça, moi, que je voulais. C'est parce que si j'arrive comme ça avec un bouquet de bonbons. T'imagines, le canasson, il cabre dans le resto, il bouge. Non, il se met à chier. Parce que ça, ça arrête pas de chier, les chiens. T'as un mec qui t'amène avec. Non, mais ouais, j'espère, ouais. C'est pas genre, t'arrives, t'arrives au galop, ouais. T'arrives au galop, ouais. Imagine, le cheval, il est pas habitué, il cabre, il se bat. Imagine, il chie. En plein milieu du resto, il pose un bousin. Non, mais je pense qu'ils ont, tu sais, les sacs à merde accrochés à l'anus. C'est pas le freinier qui est. Si t'es en train de bouffer à côté, ça sent quand même la merde. Ça sent la merde dans tout le resto. Je pense qu'il le dégage vite fait. Tiens, vers la Tour Eiffel, il y a des mecs qui font des promenades là. Tiens, ouais. Romantique. Et des fois, tu sais, moi je rigole parce que les gens ils sont à fond avec la. Tu sais, ils offrent le champagne. Ah ouais. Et le cheval à ce moment-là, il est en train de chier, mais tout ça. Tu sais, t'as le trou du cul qui est complètement dilaté. Eux, ils voient ça, ouais. Ah bah t'as vu dessus. Hein. Et en plus, t'as une espèce de toile qui récupère la merde. Donc c'est-à-dire pendant tout le trajet où t'es en train de boire ton petit champagne. L'odeur. T'as l'odeur de merde qui vient dans le nez. Sympa. Mais c'est romantique. Ah, Paris, c'est magique. Et elle t'a dit oui, Samir, j'espère. Bah, avec tout ça. Oui, elle m'a dit oui. Attends, tu m'as fait peur. Juste une dernière question. Le cheval t'a coûté combien? Cher. Le cheval, il m'a coûté 350 euros. Ça fait arriver. Mais au total, t'en es arrivé à combien? En tout cas, elle s'en souviendra de cette demande en mariage. Au total, entre les billets. Bon, les billets, je les paye pas vu que je travaille à la SNCF. Ah, pratique. Ah, c'est bien, ça t'a déjà économisé ça. Ouais. Entre l'hôtel, le restaurant. Le cheval. J'en ai eu pour après voilà, après je suis resté un peu, après on a fait des activités etc. J'en ai eu pour 1500 1600. Oh là oh là. Oh là. C'est un bon week-end. Ah ouais ouais. Non, non, imagine l'esprit là, Gino à la meuf. Non mais tu voulais un truc original, tu l'as fait. Et bon, le mariage c'est pour quand? C'est pour l'été prochain, Samir? Sûrement. Eh ben sûrement. Ça va encore coûter de l'argent. Bah, c'est ça qu'elle va rester jusqu'à ce moment. Bah oui, non mais oui, Romano. Après une demande en mariage comme ça, jamais t'oublies. Ah mais t'imagines, tu payes 1 500 balles, la meuf elle se barre. Non mais c'est pas pareil, Samir. Romano, il va te porter la poisse. Ça fait 4 ans que je suis avec elle, je connais toute sa famille. Ah mais tant mieux. Eh ben écoute, bon mariage pour l'année prochaine. Bravo. Franchement, si t'as une photo de toi sur le cheval dans le resto. Ah ouais, beau gosse. Le cheval en train de chier, on la veut. Ah ouais, mais je sais pas comment on les envoie. Vas-y, t'inquiète, on va t'en prendre, Samir. Tu bouges pas. Eh ben voilà, ça fait plaisir pour. La spéciale de Diffoul, 21h minuit sur Skyrock. Hey Brice. Ouais. Tu ferais quoi pour un pote? Pour un copain? Ouais, pour un pote quoi. Enfin, c'est important pour toi? Bah ouais, c'est même super important quoi. Ouais. Ah, c'est marrant. Quoi? Me fait un peu chier avec cette question. Toi, tu ferais quoi? Moi? Ouais. Même si ça serait un drame de la perdre, pour un pote, je pourrais quitter la plus belle femme de la terre. Lui laisser le choix du nom de mon futur gosse. Partir 6 mois, apprendre le chinois en Écosse. Je pourrais dire non le jour de mon mariage s'il me demande. Quitter une femme aimante et partir d'ici s'il m'emmène. On irait planter une tente dans une montagne au fond de la France. Déclencher une avalanche, mais rire quand même. Gagner au loto, lui donner chaque centime. Lui faire un résumé s'il part pisser pendant le film. Faire semblant de perdre. Pour lui faire plaisir. Lui dire que ça me fait belle. Pour lui faire plaisir. Je pourrais insulter un boxeur, draguer une bonne sœur pendant de bonnes heures et me faire claquer. Faire la vaisselle de bon cœur, vivre dans un bon cœur. T'es qu'un imposteur, je t'ai cassé. Le suivre dans ses délires, lui porter ses valises, promener son poisson rouge et partir surfer à Nice. Si je m'y attache, c'est pour pas qu'il me lâche. Je le suivrai jusqu'au bout du monde, mais faut pas qu'il sache. Je pourrais sortir le katana, pour un pote. Dormir avec des piranhas, pour un pote. Ouvrir un bas dans le Sahara, pour un pote. Lui dire ça va si ça va pas, pour un pote. Le premier avion pour Rio, pour un pote. Lui garder un rein dans le frigo. Faire le tour de la terre, mentir à sa mère. Je pourrais. On dit souvent arrête un peu, tu vas me mettre dans la merde. Tu sais la vie c'est pas un jeu, tu crois qu'il ferait pareil pour toi. On me dit souvent arrête un peu, tu vas me mettre dans la merde. Tu sais la vie c'est pas un jeu, tu crois qu'il ferait pareil pour toi. Aller en prison même si j'ai rien fait. Aller face à mon patron pour lui dire t'es qu'un faible. J'pourrais supporter n'importe quelle pression. Transporter un cadavre la nuit sans poser de questions. J'pourrais voler la sucette à un gosse. Prendre un coup de crosse. Enfiler un bikini et du gloss. J'pourrais chauffer la gale avant la dalle. Passer de balle et me faire condamner. Lui prêter 10 000 balles et qu'il me les rende jamais. J'pourrais mettre tout le coup sous la guillotine. J'pourrais mettre un coup de boule à ma petite copine. Désolé chérie, je sais, j'fais des trucs bizarres. Mais dis-toi que je lui laisserai même la dernière part de pizza. Lever à 4h du mat pour aller le dépanner. Lui prêter ma chambre pour un mois et qu'il y reste des années. Je pourrais faire tout ça pour lui, même si c'est un con. Et je pourrais peut-être même lui faire un son. Je pourrais sortir le katana, pour un pote. Dormir avec des piranhas, pour un pote. Ouvrir un bas dans le Sahara, pour un pote. Lui dire ça va si ça va pas, pour un pote. Le premier avion pour Rio, pour un pote. Lui garder un rein dans le frigo, pour un pote. Je pourrais faire le tour de la terre, mentir à sa mère. Je pourrais On dit souvent arrête un peu, tu vas me mettre dans la merde. c'est la vie, c'est pas un jeu. Tu crois qu'il ferait pareil pour toi? On me dit souvent arrête un peu, tu vas me mettre dans la merde. Tu sais la vie, c'est pas un jeu. Tu crois qu'il ferait pareil pour toi? Alors les gars, expliquez-moi, un pote c'est quoi exactement? Un genre de frère présent à chaque moment quand parfois t'as la nausée, à deux doigts d'exploser, la seule chose sur laquelle tu pourras te reposer. Ouais, moi j'ai mon lit pour ça. Hein. Non Brice, tu comprends pas, ce qu'on te dit, ton ami, c'est ton seul rempart. Et la famille? Et la famille c'est pour la vie, mais y'a celle par défaut, et y'a celle que tu choisis. Mais ça me rapporte quoi? Rien, à part des rires et des galères. Donc pas de fric et de salaire? Non, rien, et écoute bien, si tu te perds en chemin, il donnerait tout ce qu'il a pas si t'en as vraiment besoin. Les gars, merci, je crois que j'ai compris la valeur d'un ami, ah. Le seul qui pourrait surfer avec moi le jour d'un tsunami. Mmh. Quand parfois j'ai la nausée, ouais. Et que mon cœur pèse des tonnes. Donc les gars, on est potes. C'est vrai? Non, je déconne. Je vais pas être pote avec des rappeurs de merde. Big Flo, Oli et Jean Dujardin sur Skyrock, c'est la bande son de Brice de Nice 3. Je vous annonce que Big Flo et Oli seront demain soir en direct sur Skyrock à partir de 21h dans la radio libre de Difool. On leur prépare des surprises à Big Flo et Oli. Soyez bien à l'écoute demain soir sur Skyrock à partir de 21h et à l'écoute de la spéciale Le Meilleur de Difool. Ça se poursuit jusqu'à minuit avec l'arrivée de Mathéo. Mathéo, il a des problèmes pour faire l'amour à sa chérie. On va essayer de lui trouver des solutions et là le retour de Nathan qu'on a eu en début d'émission, il s'est fait virer du bahut en moins d'un mois. C'est Difool qui tente de lui trouver des solutions avec toute l'équipe. C'est maintenant sur Skyrock. J'avais parlé d'un éducateur qui devait débarquer, un peu notre Pascal le grand frère de ce soir, pour ouais, Nathan, ça, ouais. Qui a merdé par rapport à sa mère, enfin par rapport à l'école, surtout, il se fait virer hein, ouais. À 16 ans. Alors qu'on l'avait prévenu, et il a traité une prof, et ça c'est pas gentil. C'était sa dernière chance. Dernière chance. Et toi, ouais. T'es éducateur, Jeff, tu es un peu notre grand frère ce soir. C'est ça. Jeff de Saint-Laurent-du-Var, sur la Côte d'Azur encore. Eh ouais. Exactement. À côté de Skyrock sur la Côte d'Azur, hein. 107 FM si vous êtes du côté de Nice, oui. Cannes pour nous écouter. Et donc, Jeff, toi t'es éducateur et t'avais un petit conseil à donner à Nathan, puisqu'on cherchait aussi à l'aider. Nathan, après les conneries qu'il a fait, si on peut lui filer un coup de main. On est comme ça, Skyrock, ouais. La main tendue. Bah déjà, bonjour à toute l'équipe, bonjour, bonjour à lui. Bonjour Jeff. Salut man. Enfin, bonsoir plutôt. Bonsoir. Bonsoir monsieur l'éducateur. Truc... Bonsoir, vas-y. Ah, mets-moi une fessée. Vais une fessée à Marie déjà. Non, ça va aller, merci. Oui. Ouais, donc déjà, il faut diviser le truc en deux, en fait. Il y a vraiment le côté avec sa mère et le côté travail, enfin pour lui, pour sa vie, quoi. Ouais. Et comme dans l'immédiat, bah trouver un travail, des fois, ça peut prendre quelques semaines ou un peu plus. Surtout qu'on n'a pas de formation, oui. Ouais, voilà. Donc déjà pour sa mère, ce qu'il peut faire, c'est écrire sur un bout de papier qu'il est désolé et deux trois trucs gentils qu'il pense, tu vois. Écrire une lettre. Ouais, écrire une lettre, la belle idée de la Marie, ouais. Elle adore. Et mettre un cadenas dedans. Je sais pas pourquoi, mais faut mettre un cadenas. Donc écrire une lettre. Maman, je suis désolé. Ouais. Ouais, mais quand on est jeune, c'est plus facile des fois d'écrire que de parler directement à ses parents, quoi. Surtout pour un garçon. Enfin, moi c'était ça surtout. Non, mais t'es éducateur, c'est que t'as pas tort dans l'histoire. Et voilà. Dis-nous, on t'écoute. Non, mais c'est pas. Tout ça pas con, moi aussi. Plutôt que de dire en face et de s'embrouiller avec la mère parce que la mère doit être un peu froide. C'est ça. Ouais, puis au moins tu pèses tes mots et il y a pas d'embrouille. Oui. Ouais, puis si vraiment il veut marquer le coup, il peut laisser un petit truc, genre admettons, je sais pas, si elle met une tarte au citron, il met une petite tarte au citron avec sur la lettre et ça passe super dans, bien. Dans quoi. L'enveloppe, dans l'enveloppe, ça, c'est sympa la tarte. Une forêt noire, ouais, un truc bien gratiné. D'accord, c'est bien noté. Fréquence de Skyrock à Toulouse, c'est 100 FM pour Malajou qui nous cherche à Toulouse. Voilà. Ouais, donc c'est ça, c'est la petite lettre. Et de l'autre côté, c'est essayer de trouver une formation, tout ça. C'est ce qu'on conseille à les auditeurs. Qu'est-ce que t'en penses en tant qu'éducateur? En fait, je sais pas s'il pourra trouver une école là de suite maintenant comme ça, vu que c'est déjà rentré et tout pour les autres. Mais ce qu'il peut faire, c'est demander en fait une lettre au travail où il était, si jamais eux ils le gardent pas. Et il faut mettre un cadenas dedans. Encore. Une lettre comme quoi il a bien bossé et grâce à ça il pourra trouver. Il pourra trouver un autre travail dans le même domaine s'il veut. J'espère que dans le resto ça se passe bien au moins. Ouais, bah ouais. Ouais, j'espère aussi, oui. Ouais. Qu'il insulte pas les clients. Ah ouais, tu es enculé avec ta salade de merde. Il lui balance la gueule. Si ça se passe bien au resto, il peut demander au patron une lettre. Sinon, il en demande pas. Oui, si ça s'est mal passé, vous ne pas demander. Mais tu voudras pas la faire, ouais. Non, mais c'est ça, c'est être sympa avec la maman parce que bah il faut qu'elle supporte ça, son fils se fait virer, c'est jamais cool pour une daronne, vous imaginez. Non, c'est clair. Ouais. Et puis le deuxième truc, donc être cool avec la maman, hein, et le petit 2, ouais, c'est essayer de trouver un truc à faire dans sa vie parce que sa maman, elle s'inquiète, ils sont inquiets les parents pour ça. Bah normal, ouais. Tes parents étaient très inquiets, Romano, sachant pas ce que tu allais faire avec tes études gâchées. Ah bah moi, j'ai pas fait d'études. Ouais, mais si, t'as fait pour ses études, faut pas qu'il voit comme un échec en fait. Parce que s'il a fait ça, c'est que dans le fond, ça lui plaisait peut-être pas. Enfin, ouais, c'est ça. C'est ce qu'il disait. On fait jamais rien par hasard, quoi. Donc, c'est plus une leçon qu'un échec, en fait. Ah, t'es pas con, toi, d'ailleurs. C'est bien, Jeff. Bah ouais. C'est non, mais c'est vrai. Hein, c'est... Bah tu vas me dire c'est ton boulot, mais ouais. C'est bien, c'est bien. Bon bah écoute Jeff, moi je suis d'accord avec toi. Bravo notre grand frère. Bravo. C'est Jeff le grand frère. Bon bah super Jeff. Et ok, bah, tu gères des trucs, mais... tu peux l'aider un peu, quoi. Ouais, c'est bien. Mais tu gères des trucs difficiles parfois, comme Pascal le grand frère, des bordels à la maison, des trucs comme ça, ou c'est quoi ton boulot? C'est pas vraiment comme à la télé, en fait. Ça a rien à voir avec Pascal le grand frère. J'imagine, à la télé, c'est un peu vraiment, scénarisé. Ça a rien à voir, quoi. D'accord. Mais en tu général, t'es déjà fait cracher dessus comme ouais, le grand frère. C'est ça que je voulais savoir si c'était cracher chaud parfois. Quoi. Non. Bah, en fait, j'ai la chance, comme je fais pas mal de sport et tout, ça se passe bien, quoi. Pour ce moment, je travaille plus là-dedans. Enfin, en ce moment, je fais que du sport. Mais quand je travaillais là-dedans, en tout cas, jusqu'à récemment, j'ai jamais eu aucun souci, quoi. Non, bah, ça me fait marrer parce qu'elle le grand frère, il fait souvent toujours les mêmes trucs. Il prend des mannequins, il fait, allez, vas-y, tap. Ah ouais, la boxe, ouais c'est clair. Sinon, il fait de l'escalade, sinon. Tiens, la boîte de production, il doit avoir un plan sur la boxe et l'escalade. Ouais, c'est clair. Bon, Pascal, aujourd'hui, on va faire l'escalade. L'escalade parce que la boxe, c'est pris. Oui, non, mais ouais, c'est pas des assiettes ou ce genre de trucs. Mais c'est vrai, je sais pas pourquoi il fait toujours ça. Ouais, bah, parce que c'est des moyens d'expulser. Tu parles mal à ta mère. Ok, habitons, on va faire de l'escalade, gros. Après, ils prennent du spectaculaire, quoi. Ils prennent du truc qui marche pour la télé, c'est pour ça. Ouais, aussi. Bon, bah, ok, Jeff. Bah, merci, en tout cas, Jeff. Merci. Il y a moyen de passer un petit coucou? Il y a Lila qui est peut-être plus vicieuse que toi. Lila, ouais, tu vas voir. Lila qui dit qu'il demande un certificat médical, comme quoi il est dépressif, ça justifiera son attitude, ils seront plus clément. Non, mais c'est pas con, Lila. Ouais, mais après, ils vont l'envoyer en HP parce qu'il est dépressif, ils vont lui dire ça va pas. Ah ouais, là, t'es mort, gros. Merci de l'idée, Lila. Oui, qu'est-ce qu'il fait? C'est Pascal. Les stars réveillent la France. Ça va, petit con? C'est le réveil de stars sur Skyrock. Ça va, Pascal. On va voir si ça va aussi bien avec Laurent maintenant. Laurent et Pascal le grand frère, la grande confrontation. Tous les matins, les Français ont de la chance, ils sont réveillés par les stars de Skyrock. Ah. Bonjour déjà, ça va? Vous êtes monsieur? C'est Pascal. Pascal. Ça va petit con? Ouais, c'est ça, pauvre connard. Oh, ça commence bien. À la femme du petit con. Ah. Moi je t'emmerde, espèce de connard. C'est Laurent. Je suis pas là pour que on se fasse des bisous, etc. On n'est pas là pour ça du tout. Eh bah, moi non plus, espèce d'enculé, va. Tu fais pas venir pour rien, tu vois ce que je veux dire? Eh bah, viens quand tu veux. Tu veux que je me présente? Bah, vas-y, allez. Je m'appelle Pascal. Et alors? Il y a une époque, on m'appelait le grand frère. Et alors? Je vois pas le rapport. T'as pas de tête, c'est pas possible. Bah, si j'ai une tête. Ça commence bien, toi, entre toi et moi. Ouais, mais t'es pas. C'est quoi le problème chez toi? Bah, c'est toi le problème. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder, là? Là, il faut pas me prendre pour un imbécile, hein. Bah c'est toi le con. Ouais. Tais-toi. Bah. Commence pas à me chauffer. Hein. Ouais, y a pas de soucis, branlez vous. Ouais. Me prends pas pour un jambon, pour ce que tu veux, fais attention. Hein. Bah, un jambon, bah t'es quoi? C'est Pascal. On va se laisser faire comme ça, tu crois? Mais tu t'hallucines là, tu seras où là? Bah non, mais attends. Et t'as que ça qu'à faire, toi, d'emmerder les gens comme ça au téléphone? Sujet, verbe, complément, c'est ce que ça veut dire? Bah je vois, non, pourquoi? Faire de belles phrases, plutôt que de faire ouais, allez, chétane, machin. C'est même pas du langage, ça. Moi, je vois. Non. Pourquoi? On va avoir un souci, alors. Ah, bah, y'a pas de souci quand tu veux. T'es nerveux? Non, pas du tout. Y'a pas de problème. Je t'attends, moi, si tu viens. Je vais te péter tes dents, espèce de connard. Oula, c'est comment je fonctionne? Allez, va jouer. Je suis un mec autoritaire. Et je vais te crever ta panse, moi, les connards. J'ai les oreilles qui vont saigner, là. Tellement les insultes sont énormes. Eh, depuis tout à l'heure que tu dis que tu vas venir, je t'attends, moi je suis dehors, je t'attends là. T'es sûr de ça? Je suis devant chez moi là. Il faudra que je te calme alors. Eh, espèce de connard, malgré tout que t'es indisponible, c'est bon, on va pouvoir te retrouver mon gaillard. Eh, je te garantis que j'espère que tu travailles parce que tu vas te payer, mon ped. Tu te comportes comme un enfant de 5 ans. Donc bon, admettons, j'espère que je vais raccrocher. Parce que tu commences à nous péter les couilles. Non, moi je me casse. Allez, va jouer, espèce d'enculé de naissance, et bâtard. Allez. Bon, ce qui est bien, c'est que Pascal est de bonne humeur ce matin, ça le fait rigoler. Non, mais c'est bien, très bon contact. Oui, très bon contact. Excellent, tu trouves, Cariole? Excellent. Moi, j'ai bien aimé mon ped. Ah, mon ped. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu un truc pareil. Ah, mon ped. Bon, bah, merci à la famille, parce qu'il y a la dame aussi. Hein. Ouais, tu peux que les derrière. La femme de Laurent qui dit oui. Allez, on y a pas le temps. La femme de Laurent et Pascal, le grand frère, pour le réveil de Star sur Skyrock. Yo! C'est la spéciale du dimanche soir, avec le meilleur de Default sur Skyrock. Mathéo, t'es à Rouen et t'as 16 ans. Salut Mathéo. Salut équipe, ça va? Salut Mathéo. Salut les filles. Salut Mathéo. Coucou les boys and girls. Coucou. Oh bah dis donc. J'étais passé il y a 3 mois.

Non, j'ai pas de cam, là. Putain. Ah. C'est bien. J'aimerais entendre ta queue, là. Vas-y, fais voir, écoutez ta queue. Vas-y. Allô? J'entends rien, là. T'as plein sur le téléphone. Rien du tout. Ah. Je serais à côté de toi, là, tu me ferais quoi? Remonte le téléphone, je t'entends mal. Il veut te défoncer le cul. Reprends bien le téléphone, je t'entends mal. Je vais te redéfoncer le cul. Défoncerai le cul, oui. Ah, tu veux te défoncer le cul? Je peux te mettre des doigts dans le cul pendant que tu te branles. Oui, vas-y, mets. Je te mets des doigts dans le cul et je t'appelle enculé. Petite salope. Ah ouais, toi t'as un enculé. Ah, je vais te défoncer le cul, oui. Ah ouais. Casse-moi la chatte. Oui, casse-toi la chatte. Ah. Vas-y, branle-toi fort. Je me branle bien. Ah, vas-y. Vas-y. Vas-y, à fond, je veux t'entendre jouir. Ah, c'est bon. Ah, vas-y. Vas-y. Vas-y, Jackie. Vas-y. Vas-y, Jackie. Vas-y. Montre-nous tes fesses. Vas-y, Jackie. Montre-nous ta queue. Allô? Jackie. Oh, ah ouais, forcément. Oh, merde. Oh, merde alors. On l'a coupé, non. On l'a coupé dans l'élan. Oh, on l'a coupé. La spéciale de Difool. La spéciale de Difool. 21h minuit sur Skyrock. Magic in the air. Hit the toe, so clear. Hands up. Put your pinky rings up to the moon.

Surtout que au début, parce qu'au début il m'a contacté par message sur les sur le site et il avait l'air correct et tout ça. Ah, il cache bien son jeu le mec. Ouais. Absolument. Et ouais non mais carrément. Pourtant, j'avais déjà fait plus d'une fois du covoiturage, je suis jamais tombé sur un cinglé comme ça. Ah bah là, t'as tiré le bon numéro. Ah bah là, fais gaffe pour les prochains. Donc une belle pub pour Blablacar, hein. N'hésitez pas à commander des voitures sur Blablacar, les filles surtout, tu vas me dire, ça peut arriver à un mec. Bah, ça peut arriver à n'importe qui. Tu peux tomber sur un tordu. Ça fait deux ans que je fais du covoiturage, c'est la première fois que je tombe sur un mec comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, très bien. Voilà. Je suis content d'avoir une voiture, moi, tiens. Ça soulage. Bon, bah, merci, Émilie, en tout cas, du témoignage. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? T'as prévu des trucs, toi? Je bosse. Covoiturage. Bah, voilà. Il y a une fille qui a peur de prendre des mecs maintenant sur Blablacar. Elle veut savoir ton blaze sur Blablacar au cas où je voyage. Ouais, c'est clitoridienne, en effet. C'est une fille, 22 ans, tu vois. Ouais. Donc, entre filles, c'est vrai, c'est quand même plus tranquille. Ouais, il faut être plusieurs. C'est ça. Ouais. Ah, tu tombes sur les cassos. Ah bah tiens, il y a Ami, 23 ans, une fille. Salut, un jour, j'ai fait Land Paris, je ne conduisais pas. Le mec qui était sur le siège passager me demandait si je voulais dormir chez lui. Attends, genre pendant tout le voyage. Dors chez moi. Tu veux dormir chez moi? J'ai oublié de te demander, tu voudrais pas dormir chez moi? J'ai un grand lit, une place, on s'y mettra tous les deux. Non, pourtant moi, je connais des gens qui le font. Et après, non, lui, c'est ça vachement passe bien, pratique. Hein. Ouais, pareil. Non, mais des fois, même quand ça se passe bien, tu tombes sur des rues. Oui, après, il y en a, ils parlent non-stop, ils tapent la tête. Je suis parti de Paris, je suis allé jusqu'à Agen en bagnole. 8-9 heures de route. Et tu t'appelles même pendant 8 heures. Non, en gros, un couple de vieux. La meuf, elle était gentille, tu vois, mais elle m'a cassé le cerveau. Et oui, monsieur le Marseillais. Tu parlais de quoi? Elle s'arrêtait pas de faire des pique-niques. Tu sais, vas-y, arrête-toi une fois, on mange un sandwich, on redécolle. La meuf, toutes les heures, elle s'arrêtait, elle sortait sans jambon, sans pain de mie. Ah ouais, elle faisait des tartines, gros. Excusez-moi de vous le dire, mais on va mettre 24 heures pour d'arriver. Mais elle pouvait pas manger dans la voiture. Mais je sais pas, mais elle faisait que bouffer des sandwichs. Non, parce que dans la voiture, on mange pas, ça fait des miennes. Oh, ouais. Et une fois qu'elle avait bouffé, c'est pas genre elle prend le café quand elle bouffe, elle reprend la bagnole et une demi-heure après, ah ben maintenant le petit café pour la digestion. Elle s'arrête encore. Ouais, Difool, il est un peu comme elle ça, va lui. Hein. Difool, ouais, il s'arrête à toutes les pompes. T'es un relou. Non, mais j'aime bien aller dans les stations service. J'aime bien, il y a des trucs à boire. Moi, je m'en bats les couilles des stations service. Je vais arriver le plus vite possible sur le lieu de vacances. Non, mais des trucs à boire, des trucs à manger. Oui, non, mais d'accord, mais tu t'arrêtes une fois. Difool, je me suis là, j'ai fait de la route avec lui, mais on a. Tu sais, je disais rien, mais. Tu on n'arrêtait pas de s'arrêter. J'étais là, putain, ça rend fou. C'était combien de fois? Une pause toutes les deux heures, c'est écrit sur les. La pause, ça pose. Non, mais pas tous les biens. La spéciale de Difool. 21h minuit sur Skyrock. Bon, il y a Maxime qu'on va retrouver en direct de Cannes aussi avec nous. Il est dans le. Bah, il doit être dans le coin déjà. T'es là, Maxime? Ouais, Maxime. Allô? Allô, c'est confirmé. Salut, Maxime. T'es là. Maxime, 18 ans et salut. À Cannes. Salut. C'est ça. Bon, on va parler cocufiage avec toi, c'est ça? Ah, pas ouais, ouais. On va parler ça, ouais. Non, mais c'est bien parce que c'est arrivé à tout le monde, ou presque. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé, mais j'ai très peur que ça m'arrive un jour. Ou alors, t'étais pas au courant? Bien sûr que non, Marie, c'est impossible. Donc, ouais, non, mais le cocufiage, au moins, fait plaisir d'entendre quelqu'un d'autre qui a été cocu, comme ça on se dit, je suis pas trop seul. Ouais. Non, enfin, c'est pas vraiment du cocu, c'est plutôt, je sais pas vraiment. T'as des soupçons, on va dire. Voilà, j'ai des soupçons. Ouais. Bon, on va faire une enquête donc avec toi, Maxime. Dis-nous, alors, l'histoire de cocufiage, tu soupçonnes. En fait, voilà, mon copain, voilà, ça fait environ un an qu'on est ensemble. Donc, toi, t'as un gars, toi? Voilà, j'ai un gars. Vous vivez ensemble? Non, pas ensemble, mais. Toi, t'as, t'as 18 ans, toi, t'es chez tes parents. Voilà, je suis chez ma mère. Mais bref, le truc, c'est qu'il s'est passé, en fait. C'est que j'étais. Ça fait deux mois que je le souffre. En fait, il sort beaucoup, en fait. Mais il sort beaucoup sans toi? Il sort beaucoup. En fait, moi, je ne sors pas. Enfin, je suis pas genre de boîte de nuit, etc. T'aimes pas. Lui, c'est un mec de la night. Voilà, je suis plus pantoufle, hot dog et télé, tu vois. D'accord. Et tu l'as rencontré où? On s'est rencontré. On a acheté un hot dog. Non, on s'est rencontré au lycée et voilà. Ah oui, d'accord, ok. Non, voilà, après, voilà, mais en fait. Donc, c'est un pote de bahut, et après, vous avez découvert que vous étiez attiré là par l'autre. Parce qu'avant, j'étais avec une nana pendant deux ans, et voilà, après. Et, comment ça s'est passé? T'as toujours envie de nana ou, plus du tout? Non, plus du tout, parce qu'en fait, elle m'a grave dégoûté. Elle m'a franchement grave. Pas dégoûté, dans le sens, Elle t'a fait cocu? Voilà. Non, pas cocu, mais c'est juste qu'en fait, je trouve pas. Ça reste que mon point de vue après, mais je trouve que les femmes, c'est différent. Tu préfères les hommes? C'est différent, ouais, voilà. Après, c'est un choix personnel. Trou, déjà. Bon, ça, bien sûr, en tout cas, c'est ton kiff. Mais c'est exactement ça, moi. Je pense qu'il y a plus de sensations avec un mec que. Voilà. Ça dépend à quel niveau, mais à certains endroits, sans doute, tu as raison. Mais toi, tu étais plutôt actif ou passif? C'est-à-dire que. Personnellement, je suis plus prostate en fait. Donc tu es plus passif. Prostate, c'est dans le cul, donc tu penses que t'es plus passif. Donc je comprends qu'à cet endroit-là, tu aies plus de sensations avec un homme qu'avec une femme. Voilà, c'est exactement ça. Et en fait, le truc, c'est que j'ai des doutes. Parce qu'en fait, mon mec voit en fait un ancien entre parenthèses, ami. Mec. Voilà, mec, et enfin, entre parenthèses, enfin, entre guillemets, voilà, un ami, mais... En fait, c'est la même chose qu'une histoire hétéro, sauf que, bon, c'est un mec à la place d'une meuf. Mais voilà, et toi, il revoit un ex, quoi. Non, mais tu dis ami, ouais, c'est ça, c'est un ex ou... Oh, bah non, par exemple, toi, t'as... tiens, Bibine, ta copine. Ouais. Alias Carriole. Ouais. Elle verrait son ex régulièrement, j'imagine que ça t'énerverait. Ah, mais moi, je pète un câble, moi. Je lui dis, qu'est-ce que tu fous avec ce connard, quoi. Tu lui as pas dit, qu'est-ce que tu fous avec ce connard, Maxime? Si, mais le problème c'est que voilà, c'est genre je fais un peu ce que je veux, c'est ma liberté de penser, c'est un peu ce que je fais quoi. C'est voilà, c'est je fais ce que je veux. Léa qui nous dit dommage que Maxime soit gay parce qu'il a une voix trop chou. Ah Léa, Léa 18 ans, tu vois. Ah, des fois. Ah, d'ailleurs, j'ai une petite parenthèse, une amie de Léa, je fais une petite dédicace. Eh ben, big up à toi. Et toi, non, faut le suivre, nous dit le parrain. Là. Mais non. Si, tu le suis comme tu ça. Tu vas commencer à être, ouais. Parano. C'est un dingue. Mais non, en fait, le truc, c'est qu'en fait, il y a environ deux semaines de ça, j'ai demandé à un ami à moi, qui s'appelle Tristan, on a pris la voiture. Voilà, on l'a suivi, en fait. Voilà, et alors, t'as découvert quelque chose ou pas? Mais le truc, c'est qu'en fait, je suis resté posté comme un gland devant la boîte de nuit pendant jusqu'à 5h du matin. T'as passé une super nuit, ouais. J'ai passé une nuit extraordinaire à passer ma nuit sur Candy Crush. Mais voilà, pourquoi t'es pas allé dans la boîte? Tu sais, moi je serais allé dans la boîte. Ouais, Quitte à suivre. Ouais. Parce qu'à mon avis, si c'est passé quelque chose, c'est dans la boîte, quoi. Tu vois, le mec, il va pas se faire. Enfin, tu vois bien. Non, mais si tu le vois sortir avec un. Ouais, voilà. S'il sort avec un gars. Par exemple, Romano, tu te poses dans une voiture. Un exemple. Hein, tu te poses dans une voiture, genre, tu veux pisser ta meuf. Ouais. Est-ce que tu vas rentrer en te montrant, genre, salut, genre, je suis censé dormir, mais, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, t'arrives pas dans la boîte en faisant salut les filles. Non. Ah, mais moi, je pense que je rentre dans la boîte, moi. Ouais. Et il saute sur sa meuf. Non, mais je saute pas sur ma meuf. Mais c'est-à-dire que, bon, après, tout dépend comment est foutue la boîte. Si c'est vrai, si la boîte est toute petite, bon, tu sais, si c'est vraiment une grande boîte, tu peux rentrer dans la boîte. Déjà, le temps qu'elle te voit, ouais. Déjà, le temps que tu la vois. On sait jamais s'il y a des potes. Ah, j'ai vu ton mec, machin. Non, mais c'est bien d'envoyer. Est-ce que vous êtes déjà allé à Cannes? Enfin, Cannes, c'est genre. Oui, C'est genre de village, en fait. C'est un village. Ah, tout c'est. C'est pas une grande ville, c'est une métropole, il y a environ c'est ce que je disais, ouais, tout le monde se connaît, voilà. Donc au bout d'un et moment surtout le monde gay là-bas, c'est voilà, bah partout, hein. Voilà. Marie, spécialiste du monde gay. Ouais, Marie, j'ai plein d'amis gays. Non, mais de toute façon, pas que le monde gay. Moi, le monde. Non, Zizine, à une époque, était une femme de la night. Ouais, elle aussi, femme de la night, oui. Et en fait, elle me disait, mais par exemple, à Paris, tu sais, il y a des soirées tous les jours. Mais, tu connais. Mais c'est quoi? C'est 300 personnes. C'était une vie normale, et à peu près équilibrée. Tu passes pas tes nuits en boîte de nuit et t'enchaînes pas sur une journée de bayou ou de boulot le lendemain. Non, donc, c'est ouais, t'as 300 mecs, en fait, donc tous les gens se connaissent, quoi. Et tout tourne. Ah, bah, bien sûr, tout se sait, ouais, tout le temps, ouais. Ouais, même la drogue. Ça c'est partout, juste chez les gays, hein. Non, mais je parle des soirées en général. Ouais, j'ai exactement le même problème avec ma copine. Elle revoit son ex, je sais pas quoi faire. Oxylord, 18 ans, qui a le même âge que toi, tu vois, Maxime, il a exactement le même souci. Non, mais ce qui est chelou, moi, ce que je trouverais chelou dans ton histoire, là, Maxime, c'est que ton après tu finiras ton histoire, mais c'est déjà que ton mec voit son ex qu'en boîte. T'as la limite, tu peux le voir quand toi tu manges ton hot dog. Après, est-ce que non, je vous ai pas dit là ce qu'il a vu. Vas-y. Non, enfin, il a un tout petit peu plus âgé que moi, il a 28 ans. Enfin, bon, il y a un petit écart, enfin, voilà. Non, mais après, à 28 ans, t'as peut-être plus envie de te caser que quand t'en as 18, ce serait plutôt à toi de t'amuser. Je vais être honnête, j' ai 18 ans, je suis pas non plus teubé, je suis pas là, je vais pas me marier maintenant. Mais le truc, c'est que moi, je suis parti du principe, comme disant que je me mets avec une personne de 28 ans, c'est un peu la maturité, tu vois. C'est... Ah bah, c'est raté. Voilà, non, j'en étais un grand maintenant. Ben, je pensais, moi, j'ai un bonhomme. Enfin, bah, je suis un vrai bonhomme. Moi, pour moi, je suis un vrai bonhomme. Enfin, bon, je pensais, non. Enfin, moi, ouais, t'es adulte maintenant, tu vis ta vie. T'aurais pensé que le mec serait plus posé à 28 ans qu'il ne l'est en fait réellement. C'est exactement. Bah ouais, mais c'est logique, non? Marie, pas forcément. Non. Ah, pas forcément. Faut lui mettre un micro espion, nous dit Fiaz du 91. Moi, je le suivrais si j'avais ce problème avec ma copine. C'est le message de Nino. Ouais, mais tu l'as suivi, mais en fait, t'as rien vu au final. Et franchement, Romano, est-ce que t'as déjà dormi dans une voiture pendant 5 heures à attendre que ta meuf sorte de boîte? Ouais, non. Quand il est parti en vacances. Non. il attendait pas que sa meuf sorte de boîte, il était bloqué dans la neige. Oui, c'est à Noël, oui. Merci pendant 20 heures dans sa voiture. Bon, t'as rien découvert, il est ressorti de la boîte. Mais il j'ai rien découvert, il était tout seul. J'attendais juste un peu des conseils pour savoir comment. Tu vois? Genre. Comment tu peux savoir tout ça? Tu vas être rassuré, voilà, en fait. Mais tout en étant discret, tu vois. D'accord, mais faut envoyer quelqu'un, ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, on fait un bilan dans un instant pour Maxime. Allez, vos conseils pour Maxime, allez-y, faites péter tout ça. C'est la spéciale du dimanche soir.

naissance. Putain de rap, t'es rien, putain creuse. Je veux raconte ma vie, pardon ma vie, je raconte. Mes rêves se ravis. Money. Leur offrir tous ces rêves, on va brûler. Sans tu commences à me plaire. Les billets bleus sont devenus violets. Les rouges sont devenus verts. Non. Ok, je m'en balais. Je ramène le clan dans la. C'est pas seul, voir ma. Je fais pas à ma. Le Yankee veut ça. En menottes dans la. Au milieu des tochas, je fais le tour de la plaine avec Epona. Tu l'attends rêver, j'ai pas fini clochard. Nanané. Grosse de pute, tu me jalouses. En regardant YouTube, tu me jettes l'œil. Je fais plus de E à chaque lettre sur ma feuille. Nique ta mère. Un cœur de ice, tu connais. Olé, olé, je suis parisien, enculé. Volé, volé. Aux riches, mais pas aux pauvres, salope. Une légende comme Aïe sur le terrain. Aïe, tu sais, ma bitch, on aime la maïs. Avec cette merde que la mif graille. Attaille. On pourra pas dire qu'on est condamné. La lumière on la voit que depuis cette année. 170 degrés je dois pédaler. Laisse les parler. Des schlags je peux plus les compter. Et l'hôtel de l'air elle me sert à bonté. J'suis pas là mais VR continue de voter. Dans l'escalier. J'veux du L, j'veux du V, j'veux du G. Président, ta grand-mère. Rigolo, prononce. Mon blague j'aimerais bien rigoler. Soleil sur la tête. Ça lève les compètes. Mon hall. Tu manques et tu sais, je m'empête. Ok, je m'en balais. Je ramène le clope dans la. C'est pas seul, voir ma. Je fais pas à ma. Le Yankee veut ça. En menant. On parle, je sens là. Je rappe que pour la. La street ça pue là. Je vois le monde, je vois ça. En poster, j'ai là. Tu crois, je veux le. Et tout ce qu'il y a de. Sa mère là, AMD. J'suis totalement paix. Spécial du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Le petit bilan pour Maxime de Cannes, parce que j'avais promis qu'on le ferait pour Maxime. En gros, qu'est-ce que vous faites si vous avez des soupçons sur votre meuf? Alors Maxime, lui, c'est des soupçons sur son mec, il a mais c'est la même chose. Donc, le suivre, installer des micro-espions, le filmer avec une caméra, demander à des potes de... Non, mais aussi avoir une vraie discussion avec lui. Non, le mieux, c'est demander à des potes de le suivre, comme ça, tu es discret, ouais, tu bah, pourrais rien. Ça, je suis d'accord. Ou des potes ou des copines. Ouais. En plus, si tu sais dans quelle boîte il va régulièrement, voilà, et t'envoies un mec là-bas et. Mais bon. Et le mec, il ressort, il dit bah je me le suis tapé. Non, mais le mec, il sort quand même toutes les nuits. Je te confirme, il est pas clair ton mec, je me le suis tapé. Donc, entre le micro-espion, les potes qui vont surveiller, toi qui surveille, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre encore? Moi, franchement. Pister son téléphone. Moi, je rentre dans la boîte. Rentrer dans la boîte en furie, comme en Bano. Non, mais pas en furie, mais tu rentres, voilà. De toute façon, quitte à avoir une embrouille avec lui, au moins tu seras fixé, quoi. Mais cela dit, moi, si tu rentres dans la boîte et qu'il est en train de galocher un mec, bon, l'histoire, elle est réglée. Non, mais il sort tous les soirs, machin. Je comprends que t'aies des doutes. Hein. Qu'est-ce que tu ferais, Maxime? Ouais. Moi, personnellement? Ouais, parmi toutes ces méthodes. Bah, je lui mettrai un gros coup de boule. Ouais, d'accord. Mais t'es pas sûr encore. Non, mais moi, de mon envie personnelle, après, c'est... T'envoies des potes. Des potes? Bah, qui surveillent. Comme ça, on te dit tout. Tiens, il y a Max de Lille qui voulait, qui est arrivé la même chose avec sa meuf. Tu soupçonnais ta meuf. Bonjour Maxime. Max. Oui, bonsoir. Le deuxième. Donc toi, on t'appelle Max. Salut Max. Il y a pas de souci, vous inquiétez pas. Donc on a un Maxime de Cannes et un Maxime de Lille. C'est ça. Donc tu soupçonnais ta meuf. T'as fait quoi, toi? Tu as surveillé? En fait, j'ai eu des soupçons. Au début, c'était parfait, tout beau, tout rose, comme on dit. Et après, il y a un moment où c'était très, très distant. Donc on s'envoyait très, très peu de messages. On s'appelait limite une fois par semaine, alors que c'était tous les soirs d'habitude. Mmh. Et après, j'ai eu des soupçons, en fait. Et... Bah, quand il y a un changement d'attitude, c'est normal que t'aies des soupçons. Il n'y a pas de fumée sans feu. Sortie en boîte et tout, c'est clair. Ouais, elle sortait très souvent. Il y a une amie à elle qui l'a fait retourner avec son ex, en fait. Et elle a eu des contacts. C'est les mauvaises fréquentations, ça. Et tu l'as appris comment, tout ça? Bah, moi, je l'ai appris par un ami à moi, en fait. Il m'a appelé sur mon téléphone et il m'a dit, écoute, ton ex, elle est du côté de... Elle est à côté de chez moi. Et elle est en train de rouler une pelle à un autre gars, ouais. Ouais, non, en fait, elle a été le voir, en fait, et après, ils se voyaient très fréquemment, en fait, presque tous les soirs, après la sortie des cours, ils se voyaient, en fait. Non, mais c'est bien, donc, en fait, faut envoyer un pote qui surveille. Ouais, c'est ça, ouais. Et comme c'est un ami à moi, en fait, qui est conducteur de bus là-bas, en fait, et il prend l'ascenseur dans son bus, donc c'est lui qui me l'a dit, il m'a appelé directement, il m'a fait, ta copine, elle est souvent avec un gars, le même gars, et après, j'ai regardé sur Facebook, et en fait, comme par hasard, c'était son ex-copain, en fait. Ah, non, mais faut se méfier. Tu vois, Maxime, c'est le Maxime de Cannes. C'est pas pour Maxime de Cannes, ça va. Ouais. Okay. C'est pas pour trop de parano, mais fais gaffe. T'as pas eu envie de lui mettre un gros coup de boule dans le front? Mais qu'est-ce que. Depuis deux minutes, il a des envies de gros coup de boule. T'as eu envie de gros coup de boule? J'ai voulu lui parler et tout. Hein. J'ai envoyé des messages sur Facebook, mais en fait, il répondait même pas. Il voyait mes messages, mais il voyait même pas. Non, tu es satisfait de la réponse sur le coup de boule, Maxime? Alors, c'est vrai que quand t'es vénère, t'as envie de taper dans un truc. Donc, bon, envoyez un poème, faut se retenir. Oui, bah, c'est sûr. On est quand même pas des. Moi, quand je l'avais su, On est quand même pas des. J'avais tapé dans mon matelas, tu vois, je suis pas con, je me suis pas fait mal aux mains. Bon, bah, merci les deux, Maxime, en tout cas. Bon courage. Tu nous tiens au courant de la suite de l'enquête, Maxime, le canet. Canois, c'est quand? Et puis, bah, merci à Maxime de Lille aussi. Merci les gars, vous quittez pas, on vous envoie le t-shirt. La spéciale de Diffoul, 21h minuit sur Skyrock. Salut Farid. Salut Farid. Salut l'équipe. Salut Farid. Ouais, Farid. Farid, t'as 20 ans et t'es parisien, toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Eh bien, bienvenue à toi, parisien. Ah. Alors, qu'est-ce que. Je te laisse toi aussi avec Romano, si t'as des trucs à lui demander, des trucs à lui dire, n'hésite pas. Alors, Farid, j'imagine que tu t'es déjà branlé chez quelqu'un. C'est ça, chez mon meilleur pote. Chez ton meilleur pote. Ah. On le salue d'ailleurs, ton meilleur. Comment il s'appelle ton meilleur pote, son prénom? Il s'appelle Nassim. Nassim. Salut, big up Nassim. Alors, vas-y, raconte comment ça s'est passé. Bah, en fait, le truc, c'est que, genre, j'étais chez lui, tu vois, j'avais dormi chez lui. Ouais. Et, genre, bah, bref, moi, c'était l'heure d'aller prendre ma douche, donc je suis parti dans la salle de bain. Oui, normal. Et, genre, voilà, jusque-là, normal. Oui, jusque-là, tout va bien, c'est vrai. Et il y avait le panier de linge sale. Oui. Ah, sale. Et j'avoue, je kiffe bien les rebeux, surtout plein de testostérone, tu vois. Ah, toi, t'es gay, toi. Mon pote. Ouais, il est gay, ouais. Ah, ouais. D'accord. Et j'ai vu un caleçon sale, tu vois, qui était sur le dessus. Et là, tu t'es dit, qu'est-ce que celui-là, il va y avoir droit, quoi. J'ai eu une petite pulsion, j'avoue. Oui. Et ouais, bah, du coup, ouais, bah, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. C'est-à-dire, tu t'es branlé dans son caleçon? Ouais, ouais. Mais pendant que tu te branlais, tu le reniflais, le caleçon? Oh. Ouais. Mais ton meilleur pote, il est homo aussi ou pas? Non, pas du tout. Il est au courant que tu préfères les garçons? Bah, oui, t'as pas dû lui dire en sortant de la salle de bain, salut, dis-moi, ton calbar ne le remets pas, je me suis branlé dedans. Tu le mets 80. Mais non, s'il te plaît, avant. Oui, je l'ai. Non, mais du coup, comme l'auditeur d'avant, le caleçon, du coup, après, en fait, j'ai tellement regretté que du coup, je l'ai emmené. Ah, ça, souvenir. Ah, tu l'as gardé. Non, mais c'est peut-être mieux parce que comme ça, ton pote, au moins, il se rend compte de rien. Ah ouais, non, mais c'est clair, quelle horreur. Bon, merci Farid pour le coup de fil. Merci à vous. Et franchement, vous déchirez. Eh ben, c'est gentil, Farid. Par contre, tu viendras pas dormir à la maison. Oui. Non. J'ai regretté. Bon, alors tu pourras venir. Salut Larou. T'as eu des galères cet été, toi aussi? En fait, je crois que le projet de base, c'était déjà une galère. T'as bougé un peu ou pas? Non. Ouais, du coup, cet été, en fait, j'ai bougé en Bretagne. Tour de France en stop avec une pote polonaise. Ah ouais, mais c'est marrant, ça, c'est une bonne idée, ça. Non. Et bah alors en fait c'est là que la galère a commencé parce qu'on a décidé de faire des vacances à la Romano. Pas c'est cher. C'est-à-dire pas cher. Ouais, bah, le stop pas déjà. Cher. Du le coup, stop. On avait 100 euros déjà. Pour un mois chacune. Mais vous avez fait du stop, mais vous êtes tombé sur des mecs chelous, non? Ah ouais, c'est sûr. Bonjour mademoiselle. Eh ben, tu vas aller. En fait, on était deux, donc ça allait. Enfin, on évitait de faire du stop la nuit. Tu peux me dire, vous avez deux nanas la nuit. Ouais, même le jour. Évitez de faire du stop la nuit et dans un boisson. J'ai une autre histoire de stop en Pologne qui est un peu. On ne sait pas pendant les vacances, donc on va éviter le sujet. Pourquoi il s'est passé quoi en Pologne? Un truc sympa, a priori. Non, mais dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé en Pologne? C'est quoi? Il y a une meuf qui s'est fait tuer. Oh, c'est ça. Alors, en fait, j'ai fait un Erasmus en Pologne. Oui. Et d'ailleurs, si parfois j'entends pas, c'est parce que ça coupe un peu, mais vous inquiétez pas. Non, mais là, on disait rien. Vas-y, vas-y. C'est parfois qu'on dit rien. En fait, j'avais fait du stop avec une pote et ça avait super bien marché. Je me suis dit, ah, bah, je vais essayer toute seule. Et là a commencé la tyrannie de ma vie. Bonjour, en fait. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Bonjour. J'ai des codes dans le coffre. On a un peu picolé et puis ensuite ils m'ont dit ouais on va à une fête et tout. Puis en fait ils m'ont dit bah en fait on va chez nous et puis on va s'occuper de toi machin. J'ai réussi à sortir de la voiture in extremis. Bon, on va s'occuper de toi. Ouais non mais c'était trop ça. En plus ça faisait genre un mois que j'étais en Pologne. Je parlais genre vraiment. Enfin, le polonais c'est pas très très facile en fait. Non, c'est donc pas facile. C'était un peu. Non mais surtout dans ce genre de situation. Ils étaient combien? Oui. Alors oui, ils étaient deux. Absolument, oui. Plus, bonjour, c'est Patrick et Patrick. Bonjour, on s'appelle tous les deux Patrick. Absolument, mais... oui. Tu rentres toute seule avec deux mecs. Allez, en pleine nuit, avec des rats bourrés voilà. En plus. On en a fait, des cordes dans le coffre. C'était pas vraiment la nuit, mais le... en Pologne, la nuit, elle tombe super tôt en hiver. Ah ouais, c'est genre ça. Genre à 3h30, 4h. Non mais même, non mais même, ça fait flipper. Ah oui, ça fait flipper. Oui, oui, non mais de toute façon, franchement, c'est un miracle que j'ai survécu. Parce qu'après, j'ai été pris par deux camionneurs. Je me suis endormie, ils m'ont réveillé et ils sont arrêtés pour dire bon bah maintenant on va s'occuper de toi, tu fermes ta gueule et puis t'inquiète pas, ça va aller. Et du coup on s'est battu dans la cabine et en fait horrible, que j'avais mis des talons, il y en a un qui s'est pris en plein dans le menton et du coup l'autre pour me calmer il m'a retourné une droite et là je suis tombée KO. Ah oui, donc ne faites pas de stop en Pologne, a priori. Ouais, ouais, non, mais c'est les camionneurs polonais, c'est normal. C'est des collègues à toi, Peter. Ouais, et en fait, genre au dernier moment, enfin, je sais pas ce qui s'est passé, je leur ai dit, ouais, c'est bon, les gars, laissez-moi descendre, machin et tout. Et puis, ils ont fait genre, d'accord. Puis après, ils sont assis, ils ont démarré le camion, ils ont commencé à discuter en mode, alors, c'est comment la vie étudiante en Pologne? Et alors, ta vie, elle est bien? Mais c'était des cinglés, non? Ouais, mais je pense. Mais c'était trop bizarre, enfin, les gars, ils non, mais bon, ils tu l'as échappé belle. Juste hein. Après, ils me font, alors, c'est comment la vie étudiante? Ouais, et c'est vrai que c'était bizarre. Les deux là, qui m'ont laissé descendre. Tant mieux. Il y a un mec qui s'est arrêté, parce qu'en plus, ils m'ont déposé, genre, au bord de la nationale. Oui, là, c'est un mec qui s'est arrêté, je lui raconte tout ça, bonjour. J'étais trop choqué. J'ai un très bon manche à levier de vitesse magnifique. Le mec qui s'est arrêté, il était comment? Il était normal ou? Absolument. Ah, non, bah, bon, en fait, pas normal. Enfin, en gros, il était minuit, j'étais dans la merde. Enfin, si c'était Shrek qui s'était arrêté, je serais montée quand non, même. Non, mais quoi. C'est même pas. Ah non, mais c'était physiquement que je te demandais. C'est un peu ça, quoi. Il faisait genre 5 degrés, il pleuvait. Ouais, c'est donc un peu là, chaud. Tu montes. Ouais. Non, mais tu le fais plutôt au feeling, quoi. Tu t'en fous du physique à ce moment-là. Voilà, c'est... bah c'était ça. Et en fait, je lui ai raconté tout ce qui s'est passé. Puis il m'a fait genre. Eh bien, pas de chance. C'est la fin, il m'a mais tu veux pas venir à l'hôtel avec moi? C'est mes frères. Tu peux te faire 25 euros. C'est moi qui étais là. Ah bah lui, te donner de l'argent en plus, c'est gentil. Non mais il y a des gens gentils, il n'y a pas que des sadiques. Ça, hein. Il m'a quand même dit, il m'a quand même proposé de faire taxi en échange d'une pipe quoi. Ah comment il était vraiment pas sadique mais bon. Alors quand il a vu que gratuit ça marcherait pas, il s'est dit bon je vais peut-être lui proposer 25 balles, ça va aller quoi. Ah c'est pour ça que t'as donné. Bon tu les as pas pris j'imagine. Non. Bah écoute t'as bien d'ailleurs, fait. D'ailleurs j'étais en train de me dire que peut-être c'était la fin de ma vie. Ah bah oui, et que ce soir-là, j'allais peut-être me retrouver dans un champ polonais morte comme ça, enfin, alors, abandonné. Mais finalement, je suis arrivée en vie à Varsovie. Parce que t'as décidé de remettre ça et de refaire du stop. Parce que t'as trouvé ça tellement sympa. Ouais. Parce que, en fait, je me suis dit, tiens, je vais tester maintenant les sadiques français. Il y en a deux. Il y en a, à deux, t'es partie avec une copine. En fait, bon, il n'y a pas eu de problème comme ça. Absolument, oui. Mais genre, on a été prise en stop de Bordeaux à Bayonne. Comment et on en se fait, retrouve y a le mec qui conduit, c'est un chauffeur de c'est un routier aussi un routier polonais. Non, c'est pas bonjour. Un routier. D'ailleurs, on a évité les routiers. C'est pas possible. T'entends Peter, Peter, pas de chance. Ah, je rappelle qu'on a Peter un routier avec nous qui est venu en vacances à Paris, qui est venu nous voir. Ils nous ont prises en stop. Et puis le gars, enfin je sais pas, il voulait faire le show ou quoi. Il a fait une pointe à 250 dans un virage en prenant un snapshot. T'es là. Salut les filles. Souriez les filles, souriez. Mais toi, t'es une meuf qui a de la chance quand même dans la vie. Faut pas partir en vacances avec toi. T'es pas mise galère du tout. Non. T'es pas loin de détrôner Cédric quand même avec cette histoire. Oui. Ouais, non, mais alors moi, il n'y a pas de perte de thunes du tout. Mais par contre, j'ai des histoires. T'as eu des galères pendant les vacances? Ouais, bah pareil, à Barcelone, on a été hébergé chez un couchsurfer. Chez un couchsurfer, C'est une communauté de gens qui hébergent d'autres gens gratuitement. D'accord, enfin, c'est voilà. Pas un mec qui fait du surf dans son appartement. Non. En fait, on a c'est tu danses sur le canapé de chez voilà, quelqu'un. Ouais, mais ça, c'est il propose une place sur le canapé. Oui. Et le premier était trop cool, le mec, super sympa, machin. Et le deuxième. Absolument, en fait, me revoilà. C'est le polonais. J'ai un canapé. J'ai un très beau canapé qui claque. Il est arrivé, alors déjà, il avait l'air mais défoncé. Il est arrivé une demi-heure en retard. Ah, mais toi, t'as pas de bol. Il nous a fait poireauter une demi-heure en bas de son immeuble. Mais c'est horrible. Et puis quand on est monté, t'as vu ? Il nous avait pas prévenu qu'il habitait chez une famille péruvienne en fait et que sa chambre faisait 8 mètres carrés. Oui, famille péruvienne spécialisée dans la vente de coke. Ouais. Ah ouais, non, mais en fait, c'était genre les apparts d'immigrés, enfin les trucs où genre les clandestins ils cachent, quoi, c'était trop ça. D'accord. Et, mais un truc de ouf, et du coup, il nous a fait par rapport là, et là j'étais, bah putain, j'imaginais pas ça comme ça en fait. Et, non, mais arrête le stop. Le matin il prend tout le sol, alors on va pas dormir ensemble. T'étais obligé de. Et là il se dessate. Ah et ouais. Du coup, il reste en caleçon. Et en fait, il faisait genre 40 degrés dans la chambre. Et toute la nuit, il a essayé de m'attraper et tout. Moi, j'étais là à un moment, je crois que je vais en retourner. Il dit, c'est bon, stop, ça y est. Là. Non, mais surtout que sur ces sites, tu sais, t'as des notes, t'as des. Ouais, des profils, des évaluations. Ah ouais, non, mais lui, absolument, ça, oui. Ça a été lui, il va avoir les bonnes notes. Oui, moi, c'est écrit violeur sur la fiche. Ouais. J'espère que tu lui as mis un bon cœur. Et en fait, non, mais attendez, parce que c'est pas fini le lendemain. Ah ouais. Matin, il nous a viré parce qu'il avait pas tiré son coup. Il nous a dit, ouais, machin, en fait, je dois peindre la chambre. Ah, mais couchsurfing, c'est devenu beaucoup pour le cul maintenant. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah ouais? Ouais, c'est devenu vraiment un truc. Et du coup, il nous a dit, bah, prenez vos affaires et puis bah. Et cassez-vous. Si j'ai fini ce soir, je vous appelle, sinon salut. Sympa comme tout, hein. Ah bah ouais, mais non, mais c'est okay, ça. Non, mais toi, à la limite, vaut mieux que tu partes pas en vacances. Salut. Hein. Tiens, mais bon, au bout d'un moment. Après, mais où autrement. On a bien rigolé. Ah bah oui. Ah bah oui. Mais, ah bah grave. Mais on a eu quelques frayeurs, ouais. Ok, Naro. Bon, t'es allé où donc? T'as fait quoi? T'as fait le Tour de France? Tu t'es retrouvé? T'as fait Nancy? Alors, on a commencé. En fait, on a fait Dunkerque, Lille, Paris, Bordeaux, Bayonne, Biarritz. Ensuite, arrivé à Biarritz, il pleuvait à mort. On était déprimés, donc on allait à Barcelone une semaine. Ouais, il fait beau à Barcelone. Et ensuite, on a fait Toulouse, Lyon, Nancy, Strasbourg. Ok, bah vous avez fait le Tour de France, en fait. Bon, bah écoute, Naro, les vacances sont terminées, tout va bien. Ouais, et on a survécu. Et c'est... du coup, je voulais remercier toute l'équipe, bah, déjà de m'avoir prise ce soir au téléphone. Eh bien non, te remercie d'être vivante encore. J'ai 11 ans, ouais, je vous adore. Arrête tes conneries. Et du coup, dédicace à vous tous. C'est gentil, Naro. Bah, et bah on reste fidèle. Sur les ondes, je vous écoute. Ah bah, il faut rester sur les ondes, fidèle. Ouais. Merci à toi, Naro, de faire de gros gros. Salut, Naro. Attention à toi. Hein. Et tu raccroches pas, Naro. Arrête le stop. Ouais. Et le coach surfing aussi. Change de vacances. Yo, c'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Yeah, le meilleur de Difool avec Soprano. Il était toute la semaine dans Planète Rap, chez Fred, entre 20h et 21h. La grosse émission en direct du Stade Vélodrome de Marseille. C'était vendredi soir avec Jules, qui était l'invité surprise de Sopra qui est également passé dans la radio libre. On va se mettre ça juste après son, le tout dernier qu'on a découvert la semaine dernière à la même heure. Soprano, Marina Kaye, c'est mon Everest maintenant dans la spéciale de Difool. Il y a le double appel également en prépa pour terminer l'émission. J'ai grimpé sans lâcher mes principes et mes valeurs. Jamais j'oublierai d'où je viens, je sais ce que c'est d'être un homme de couleur. Je sais ce que c'est de taffer deux fois plus pour pouvoir être à la hauteur. Si je chante la cosmopolitanie, c'est parce que j'en ai vu de toutes les couleurs. On m'a dit petit, réveille-toi, t'es un peu trop rêveur. Petit, tu as un trop gros appétit, la réalité est fade et sans saveur. Oublie tes rêves d'ado, comme tout le monde, suis le troupeau. Mais le têtu que j'étais avait de la détermination, plein le sac à dos. Aucune de leurs dissuasions m'a mis le genou à terre. Aucun médecin au monde ne pouvait soigner ma fièvre. Tout est possible quand tu sais qui tu es. Tout est possible quand t'assumes qui tu es. Aujourd'hui, regarde-moi contempler mes sacrifices au sommet de mon Everest. Yeah.

Moi, j'ai eu un monsieur qui vient de raccrocher, qui m'a dit... Allô. Je suis sur... Allô. Allô. Allô. Oui. Mais c'est pas possible, ça fait trois fois. Oh là là. Ben alors, aussi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y en a marre, hein. Allô. Oui, qui c'est ça? On m'appelle, et une dame, ça fait trois fois qu'elle m'appelle. C'est qui a l'appareil, là? Patrick. Patrick? Ben oui, mais moi, je suis Serge. Voilà. Et puis, il y a une dame qui m'appelle. Il y a un mélange de fils. Oui. Oui. Comment? J'écoute. Oui. Vous m'appelez, donc j'écoute. Ah bon? Ah bah non, non, non. Bah oui, mais... Ah bah si, la preuve. Ah. Et c'est un appel masqué, en plus. Oula. À qui ai-je affaire? Patrick. Oui, d'accord, mais Patrick comment? Et je voulais entrer dans le Guinness Book des records. Ah merde. Qu'est-ce qu'il raconte, là? Je comprends rien à vous, ce que vous me dites, hein, monsieur. Le caca, c'est bon. Ah. Ah. Oui, d'accord. Bon, c'est toi qui payes, hein. Tu peux faire tout ce que tu veux, mon gars, hein. Tu payes, donc moi, je m'en mange de ce que tu me dis. Je me fais baiser. Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hein, en plus, on appelle masqué, c'est toi la gonzesse. C'est toi la gonzesse, t'as pas de couilles. Tu n'as pas de couilles, mon gars. Mais enfin, ça, hein. Chacun fait comme il veut, hein. Tu veux te faire sodomiser, là? Non, c'est toi qui vas te faire sodomiser. Moi, ça fait longtemps que c'est fait, t'inquiète pas. Ouais, moi, je suis décaloté complètement. Ah, oh, bah alors c'est bien. Bah, je te remercie de ton appel, hein. Salut. C'est excellent, là. Ah bah oui. Ah, Patrick, excellent. C'était comment, Patrick? Il a tapé la discute. Eh, vous savez qu'on en a appelé combien? 6, Samy? Ouais, 7 même. 7. Ouais, on parce qu'il y en a qui répondaient pas, après j'en ai balancé d'autres, machin. Voilà, on en a appelé 7. Je remercie la dame avec la très belle voix du début. Je remercie la deuxième dame qui parlait comme ça et lui qui était pas mal non plus. Hein. Ouais, qui parle avec bon, Patrick, tranquille. Et avec Cédric. Ah, c'est reparti dans nos. C'est parti. Allez, c'est reparti ouais. Pour un tour. Je sais pas trop où, mais c'est parti. Ah ouais, tu t'es fait passer pour des keufs, c'est eux que t'appelles? Ouais, c'est ça. C'est le numéro de Joe. Allô? Allô? C'est quoi ces conneries? Mais, là, mais qui êtes-vous là? Bah, qui êtes-vous? C'est vous qui m'appelez, c'est pas moi? Ah non, vous venez de m'appeler? Non, non, pas du tout. Ah bah si. Ah bah si. C'est Jean-Phi? Bah oui. Salut, c'est Marilyn. Oh, bah, téléphone arrête pas de sonner en me disant c'est la femme d'Eric, puis en fin de compte, bah, tu sais pas. Moi j'ai la même chose, on me demande Véro. Ouais, mais je sais pas ce que c'est que ces conneries, mais. Alors, je sais pas pourquoi on est en relation, du coup. Bon, bah écoute, désolé. J'ai rien à voir le truc, machin, les forces de l'ordre, je sais pas quoi. Oui, moi j'ai entendu ça aussi, puis après je t'ai eu, donc je sais pas trop ce que c'est que ce bordel, mais. Je pense qu'il y a des petits andouilles qui s'amusent avec. Oui, mais c'est ce, que... Allô. C'est ce qu'on disait avec Véro, toi. Bon, et eh ben écoute. Allô. T'entends allô quelque chose derrière? Non, j'entends rien, moi. Je viens d'entendre allô, moi. Non, bon, bah écoute. Ouais, j'ai une bonne bite surtout, hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, allez, au revoir. Allô? Allô? Oui? Oui? Une corne de brume. Oui? Allô? Allô? Allô? Oui? Oui? Qui c'est? Oui, mais non, mais il n'y a pas marre d'être con, là, à la fin. Ah, bah vous aussi, vous êtes emmerdé. Bon, ben... Oui. Ferme ta gueule, surtout. Mais il y en a marre, à la fin. Bon, Dieu, c'est ce que ça veut dire, ça. J'en sais rien. Attention, parce que moi, j'aurais retrouvé les numéros, hein. Mais retrouvez-les, ça m'arrangerait, parce que ce serait pas mal, aussi. Ouais, connard, va. Connard, va. Bah, celui-là, il est... Bah... Connard, allô. Salut les filles. Allô, quoi? Connard. La spéciale de Diffoul, 21h minuit sur Skyrock. Et on a encore passé une grosse soirée avec les meilleurs moments de la radio libre de Diffoul. Allez, on a encore quelques secondes à passer ensemble, le temps que Fred et DJ Case s'installent pour Eye Supreme. Ils sont un petit peu en retard ce soir. Voilà, on va les laisser s'installer tranquillou pour terminer la spéciale. Déjà un big up au poteau, le poteau du 95, fidèle auditeur de Skyrock. Voilà, le poteau qui fête ses 16 ans à l'instant même. Voilà, bon anniversaire au poteau du 95 et l'anniversaire du poteau et des cadeaux pour tout le monde pour terminer l'émission. J'ai plein d'invites à vous offrir pour aller voir la pièce. La pièce, c'est le film Skyrock du Watibé réalisé par Dawala, le Watibo. J'ai des invites à vous offrir un petit peu partout. Alors en priorité, les places, elles vont tomber pour ceux qu'on l'appelle Yax. Il y a une dizaine de minutes, j'ai envoyé un Yax qui s'appelle le Yax Magique. Sur Yax, mon pseudo, c'est Vince Sky. Vous retrouvez ce Yax Magique. Vous allez dans les Yax récents, c'est assez facile la trouver. Et c'est automatique, hein. Les places, elles arriveront chez vous dans quelques jours. Donc allez sur Yax, vous me retrouvez, Vince Sky, vous me mettez en favori, on se retrouve en privé. Et je vous file vos deux places pour la pièce, le film Skyrock du Watibé sur les réseaux sociaux. Des places également à gagner sur Twitter. Vous tweetez avec le hashtag la spéciale de Difool. On se retrouve et je vous file ça. Et puis par message pour tous ceux qui sont allergiques aux réseaux sociaux, vous laissez votre prénom et votre numéro de téléphone depuis l'appli Skyrock ou par SMS au 41 7 5 9. Soyez dispo hein, dans l'heure qui vient, le temps qu'on rappelle tout le monde. Ça va mettre un petit moment, donc allez-y, hein. Prénom, numéro de téléphone, 41 7 5 9, et on vous file vos places pour aller voir la pièce, le film Skyrock du Watibé, dans le ciné de votre choix et à la séance de votre choix. Difool et Romano à retrouver en direct demain matin pour le morning. Il y aura les conseils pas chers de Romano à retrouver à 7h-20, 8h-20 et 9h-20. Le réveil de Star, ça sera à 6h10, 7h10 et 8h10 de la déconne et du cash tous les matins entre 6h et 9h. La radio libre à pas louper demain soir avec Big Flo et Oli pour une grosse soirée de dingue. Je sais qu'il y a des grosses surprises qui se préparent pour les deux Toulousains. Voilà, ils vont avoir des trucs, ils sont pas au courant, mais bon, voilà, soyez là demain avec Big Flo et Oli à partir de 21h. Je vous souhaite à tous une belle nuit, une bonne nuit avec le son de Skyrock. Ça y est, ils sont installés. Fred et DJ Case, Rail Suprême, à retrouver dans une minute sur Skyrock. Ils ont gagné 1 500 € dans le morning de Difool sur Skyrock. Et ils savent ce qu'ils vont en faire. Honnêtement, je viens de déménager, du coup c'est super. Je vais faire une grosse soirée avec mes potes, ça va être génial. Je vais faire plaisir à mes amis. Je vais m'acheter une pote. Bah elle est dépensée. Ah bah moi je garde tout pour moi. Non mais attends Romano, je t'ai reconnu, t'as pas gagné les 1 500 € toi. Allez, tiens. Quand Difool t'appelle et te demande quelle est ta radio préférée, réponds Skyrock. Et après, fais-toi plaisir. Le morning de Difool, 6h-9h sur Skyrock. The morning show. Envie de t'engager, de vivre une expérience au service des autres, rejoins le service civique et trouve une mission à ta mesure. Le service civique, une mission pour chacun, au service de tous. Avant toute chose, question basique, qu'est-ce que le service civique, Monsieur Blanc? Comment nous l'expliquer le plus simplement possible? Le service civique, c'est une mission qui peut durer entre 6 et 12 mois, qui est effectuée par un jeune volontaire qui a entre 16 et 25 ans. Cette mission, elle doit porter sur un projet d'intérêt général. Elle peut se dérouler dans une administration, un établissement public, une collectivité locale ou une association. Pendant cette mission, il touche une indemnité de 577 € par mois et il a toute la couverture sociale. Le service civique propose des missions toute l'année aux volontaires entre 16 et 25 ans. Plus d'infos sur service-civique.gouv.fr. Pour augmenter tes chances de gagner 1 500 €, putain, on voit maintenant 1 500 au 720. 65 centimes plus coût SMS. Allez, allez, allez. Rail Suprême, 2 heures, DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Are you ready? This is the ring. Skyrock, Rail Suprême. Let's go. T'as tout fait pour que ça foire, Marine. Dans le pays de Marianne, y'a l'amour, y'a la guerre, mais aussi le mariage, Marine. Pourquoi tu perpétues les traditions? Sais-tu qu'on sera des millions à payer l'addition? Ma haine est immense en ce soir de décembre. Quand je pense à tous ces gens que tu rassembles, tu sais, moi je suis comme toi, je veux qu'on m'écoute. Et tout comme toi, j'aimerais que les jeunes se serrent les coudes, Marine. T'as un prénom si tendre, un vrai prénom d'ange, mais dis-moi ce qui te prend, Marine. On ne sera

toutes mes peines, je ferai de même.